إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous dans le درس de la عقيدة، شرح العقيدة الواسطية بإذن عز وجل. Nous sommes le 11. أما بعد، حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا حتى نسترسل فيما قد بدأنا فيه، وهو ما شرح العقيدة الواسطية. شرح العقيدة الواسطية، وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف لما قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. دونك شيخ ابن تيمية رحمة الله avait dit: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم الساعة المنصورة عفوا إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. cela c'est يعني la doctrine، cela c'est la doctrine de qui؟ du groupe qui va être sauvé، الفرقة الناجية va être sauvé de quoi؟ va être sauvé des innovations dans ce monde et du châtiment de l'enfer le jour où ce groupe rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on va essayer maintenant de donner un peu plus de détails. Lorsqu'il a dit « hadha a'tiqad », il veut dire par là « ceci c'est la doctrine, ceci c'est le dogme de l'firqa al-najiyya ». Parce que ce groupe qui va être sauvé, il va être sauvé pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est beau, il est quoi? Non, c'est pas pour cela. Parce que il a une doctrine, il a un dogme, il a quelque chose dans le cœur, ensuite quelque chose qui se traduit dans les actions, mais surtout dans le cœur, qui c'est cette chose qui va le sauver. Pour être sauvé dans ce monde et dans l'au-delà, il faut suivre, il faut avoir le dogme qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est ça, yani le signe et la balance avec laquelle toi-même, incha'Allah ta'ala, tu sais dès maintenant si tu es sauvé, tu vas être sauvé ou tu ne vas pas l'être. Dès maintenant, tu peux le savoir. Pourquoi? Parce que tu regardes seulement est-ce que, avant de faire la chose, une chose, ou avant de attester quelque chose dans le cœur, est-ce que tu demandes si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et si ses compagnons yani, ont la même chose que tu veux faire. Si tu trouves que c'est la même chose, ça veut dire que tu es sur leur chemin. C'est pour ça que, comme j'ai dit toujours et je répète, il ne suffit pas de dire « je suis musulman ». Les chiites, ils disent « je suis musulman ». Ils disent « nous sommes al-sunna al-jama'a ». Ce n'est pas seulement « nous sommes musulmans », nous sommes nous, la vraie secte qui va être sauvée. Les chiites disent comme ça. Mu'tazilites disent, Qadarites disent, maintenant de nos jours, Tekfiriyoun disent, Al-Asha'ira disent, Al-Ahbash disent, Al-Ikhwan Muslimoun disent, les Soufis disent, tous ils disent, c'est nous, Al-Sunna al-Jama'a. Donc, puisque tout le monde dit, maintenant, quelle est la preuve que c'est moi qui ai raison et ce n'est pas l'autre? Car l'autre te dira, quelle est la preuve que ce n'est pas moi qui ai raison, c'est tout le fautif. Donc, la zone ne nous a pas laissé comme ça, donc il y a des choses envers lesquels yani, on va revenir. C'est en revenant à ces choses-là qu'on vérifie. On vérifie si on est nous les yani, qui avons raison ou là, nous qui sommes en faute. Tu reviens à quoi? Tu reviens au Coran, au sunna, et plus une troisième chose, non, le Coran et la sunna ne suffit pas de nos jours. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu reviens encore à un autre troisième jour. C'est quoi? Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Le chemin des compagnons, le chemin des salafs, les compagnons et leurs fils, et les fils de leurs fils, ça s'appelle salaf, les prédécesseurs. Tu reviens vers cela. Cela est noté dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » Allah Azza wa Jalla a dit « Quiconque ne va pas faire certaines choses, yani je vais le faire entrer en enfer. » Et quoi ces choses? Il a dit « يُشَاقِقِ الرَّسُولِ » yani, il sait que le prophète a dit cela, il le contredit. Normalement, seulement contredire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors tu sais qu'il a raison, tu es fautif, seulement contredire, c'est déjà en enfer. Mais la raison ne s'est pas suffi à cela. Pour montrer qu'il y a aussi autre chose, il a dit, « On est au shaqiq al-rasoul, min ba'di ma tabayyana lahu, wa yattabi' sabila al-mu'minin. » Et il ne suit pas. Contredire le prophète et ne pas suivre le chemin des tes prédécesseurs. Le shaqiq al-rasoul, quoi ?« Wa yattabi' sabila al-mu'minin. » »« Wa yattabi' ghayra sabila al-mu'minin. » Il ne suit pas le chemin des croyants. C'est qui les croyants? Il n'y a pas plus vrai croyant que les compagnons. Donc les compagnons sont cités ici. Si quelqu'un est croyant, le premier croyant, c'est le compagnon. Après, viennent les autres. Et vient moi, et je ne sais pas moi si je suis un vrai croyant. Donc les vrais croyants, ce sont les compagnons, radiallahu ta'ala. La Azzawajal ne s'est pas suffi de la contradiction du prophète. Hatta il a ajouté, que celui qui ne suit pas les compagnons, est vrai, il est vrai croyant, celui-là il a dit à la fin, il a dit, il ira en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, dans un hadith sahih, je vous donne ce sens, lorsqu'il a dit que, alikum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa al-rashidin mahdiina min ba'di. Donc suivez ma sunna, et il ne s'est pas suffi à cela, il a dit, et suivez la sunna, c'est-à-dire le chemin de les compagnons al-khulafa al-rashidin, ceux qui vont venir après moi. Donc, pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre toi-même yani, le Coran et la Sunna. Tu ne peux pas, si tu ne reviens pas à la compréhension des salaf salah radiallahu ta'ala anhu. C'est comme ça que tu connais si quelqu'un est salafi ou il n'est pas. Celui qui n'est pas salafi, il te dit, ça me suffit le Coran et la Sunna. Moi, la Sunna, je me suffis. Je peux ouvrir le Bukhari et je lis ce qu'il y a les hadiths et j'applique. Il a dit exactement comme a dit les kharijites. Les kharijites, ils ont dit, on n'a pas besoin de sunna. On n'a pas besoin de sunna. On se suffit au Coran. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous les voyez les kharijites, si vous voyez comment et combien ils lisent le Coran, vous allez dire, subhanallah, moi je ne lis pas, donc sincèrement, tellement ils lisent le Coran, tellement ils font la prière. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas la sunna. Ils ne connaissent pas un hadith. Ils connaissent seulement le Coran. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela, si je les rencontrerai, je serai en vie, lorsqu'ils viendront, hein, je les tuerai, yani, c'était la tuerie de Had, et dans un autre hadith, la tuerie de Thamoud. Et il a dit, quiconque les tuera, iront en enfer. Quiconque le tuera, c'est un shahid. Donc malgré quoi? Malgré toute la lecture du Coran, et malgré toute la nuit la prière. Donc, il faut être très intelligent. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup la prière et qui lit beaucoup le Coran, ça veut dire que celui-là, khlas, il va aller au paradis. Celui-là, je ne sais pas, peut-être c'est un khariji. Donc, laissez-moi le tester. Laissez-moi lui parler des compagnons, qu'est-ce qu'il va dire? Laissez-moi lui parler de la sunna. Ceux-là, ils lisent beaucoup le Coran. Ils passent la nuit à faire la prière, mais ils vont aller en enfer. Donc, chers frères, chers sœurs, attention, si tu laisses, tu t'éloignes la troisième base, qui est le suivi des prédécesseurs et des salafs, ça veut dire qu'on est égaré. Ça veut dire qu'on est égaré. Non. Comme font maintenant les takfiriyons et les chiites, etc., ils ne sont pas intéressés par la troisième base. Tu dis, j'ai le Coran, j'ai la sunna. De toute façon, le chiite n'a aucune sunna. Mais il te dit, yani la sunna qui est venue de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muhim. Ici, il a dit, هذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية. Donc, il y a un groupe qui va te sauver. ça s'appelle Al-Firqa Al-Nadia. Al-Nadia, parce qu'elle va être sauvée, comme j'ai dit, ici dans cette vie, elle ne va pas faire des bida' ou alhamdoulilah. Et dans l'au-delà, elle n'ira pas en enfer. Pourquoi elle ne va pas faire de bida'? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas de bida'. Et toi, tu suis qui? Tu suis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est mieux que toi? Est-ce que les compagnons faisaient des bida'? Ils vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient du matin au soir avec lui. Ils l'aimaient beaucoup. Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il voyait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé dans un endroit, même si yani, c'est venu comme ça, yani, il n'a pas fait exprès, il est allé dans un endroit pour uriner, il le laisse partir et il va à la même place et il essaie d'uriner à la même place. La hawla wa la quwwata illa billah. Tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, quand je suis les compagnons, ça veut dire que je suis dans la vraie route et dans la bonne route. Dès que tu vois quelqu'un ne pas aimer les compagnons ou les détester, ou dire que ce sont des kuffars, celui-là c'est le plus grand kafir du monde. C'est le plus grand kafir du monde. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Men sabba ashabi, quiconque insulte mes amis, mes compagnons, fa'alihi la'natullah, que Allah le maudisse. » Il a la malédiction d'Allah. La malédiction des anges et tous les gens, il a la malédiction de tous les gens. Quiconque insulte l'un de mes compagnons. Alors qu'en est-il si on insulte maintenant Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, c'est la deuxième personne la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes. Tu as en première étape, premier rang, tous les prophètes. Ce sont les plus aimés par Allah. Ces ambassadeurs. Deuxième position, Abu Bakr Siddiq, directement. Troisième position, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Alors, ceux-là, ils te disent, Abu Bakr c'est un kafir et Omar c'est un kafir. C'est vous les plus grands kuffars. J'avais dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit dans le hadith, il a dit que ma communauté va se diviser en 73 sectes. Parce que les juifs sont divisés en 71 sectes, les chrétiens 72 sectes, tous en enfer, sauf une, bien sûr. Maintenant, nous, les musulmans, 73 sectes, tous en enfer, sauf une. Quand j'ai dit tous en enfer, sauf une, je parle des musulmans, pas des chrétiens et des juifs. Donc tous en enfer. Maintenant, puisqu'il y a une seule secte qui va aller, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va aller au paradis. Donc, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas toute va aller au paradis. Il y a une secte parmi les 73 sectes. Cette secte, c'est celle que nous essayons, nous, de connaître pour voir si je suis de cette secte ou je ne suis pas. Quand je ne veux pas apprendre, je ne veux pas apprendre le dîn, je dis, je suis musulman, ça suffit. Certes, tu es musulman, mais tu ne sais pas de quelle secte tu es. Si je te posais par exemple certaines questions, alors c'est bin Mittal, seulement pour y aller discuter un peu. Je parle avec quelqu'un, je lui dis, notre gouverneur, supposons par exemple en Algérie, je vais lui dire Bouteflika, c'est un gouverneur. Je donne un exemple, hein, c'est pas vrai, je lui dis c'est un voleur et il boit de l'alcool. C'est un exemple, ma'azallah, lui il ne boit pas, je dis seulement ça. Il va me dire, oui, celui-là, il boit de l'alcool, etc. Il faut que tu lui fasses la guerre. Donc là, je comprends déjà quoi? Je comprends que les deux personnes, celui qui a dit qu'il buvait, qu'il volait, et l'autre qui a dit on va lui faire la guerre, les deux, s'ils ne sont pas des kharidites et des takfiriyines, ils ne sont pas loin. Le premier, quelle est sa faute? Le premier, il fait la faute d'avoir parlé du gouverneur comme ça dans la rue en plein public. Le gouverneur, on ne parle jamais de lui. Le gouverneur, tu as des problèmes avec lui, ou là il fait des machakels, ou là il vole, ou il boit de l'alcool, qu'est-ce que tu fais? Tu lui téléphones si tu peux. Tu vas à la présidente pour lui parler. Tu lui envoies une lettre. Tu peux pas, tu vas au ulama. Et toi, moi, je suis rien. C'est les ulama qui ont ce rôle. Tu vas au alam, tu lui dis, il y a X, le gouverneur qui vole, etc., essaye de le blâmer. C'est le alim qui va parler à qui? Au gouverneur. Et toi, moi, on ne peut pas. on peut pas, c'est quelque chose qui est plus loin de nous. Laissons-nous d'abord apprendre l'aqida, apprendre à faire la salat et la zakat al-siyam. Après, je vais te parler, moi, du gouverneur. Donc, la première fois que celui-là qu'il a fait, d'avoir parlé du gouverneur comme devant les gens, ça, c'est illicite en islam. Se trompent beaucoup ceux qui critiquent le gouverneur musulman parce qu'il boit ou là, parce qu'il vole ou là, tout ça, ce n'est pas permis. Quand il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « N'arad an yunsa halidhi sultan fal yakhlu bihi ou yunsik biyadihi » ثم يعني فليخبره فإن قابل فبها ونعمة وإلا فقد أدى الذي عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un veut, يعني, il a une nasiha ou là à dire au gouverneur, il a dit il va chez lui. Et il le prend par la main et il reste esselé avec lui, il n'y a pas de troisième personne, et il lui dit la nasiha, s'il accepte. Alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, tu as fait ce que tu voulais faire, tu as un ajr. Mais t'asseoir dans les cafés, parler du gouverneur, ou bien écrire dans les journaux et dire le gouverneur fait ceci, il vole, il kada kada, tout ça, c'est le manhaj des takfiriyin et le manhaj des kharijites. Et le deuxième, il aura fait une grande faute quand il dira, donc celui-là, on doit quoi? On doit le combattre. Quiconque dit je dois combattre le gouverneur qui est musulman, je dois le combattre, à cause de l'alcool, à cause du vol, à cause des femmes, etc. Celui-là, c'est un takfiri, c'est un khariji. Il a joint entre les deux. Takfiri, il a dit c'est un kafir. Khariji, il a dit je dois le combattre. Donc, je donne un exemple. Donc, moi, je ne sais pas exactement qui je suis. Je dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne sais pas à quel secte yani, je suis ou là je penche. Donc, c'est en m'apprenant le dit, en apprenant le vrai, je sais que je suis dans le faux. Maintenant, quand on m'apprend que Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui descend chaque nuit, alors je disais, subhanallah, moi auparavant je croyais que c'est pas lui qui descendait, je croyais que c'était sa rahma. Donc j'avais la doctrine des Asha'ira, et je savais pas. Ensuite, quand je dis que Allah Azza wa Jal a deux yeux, de véritables yeux, véritables, qui lui conviennent, tu vas dire, subhanallah, Allah, je ne savais pas, moi je disais que les yeux c'était la puissance, etc. Donc voilà, tu es comme des ahbash, des animaux, et tu ne savais pas. Et comme ça, à chaque fois que tu apprends le dîme, tu te corriges. Maintenant, si tu ne veux rien apprendre, tu es plein à l'intérieur de ton cœur, plein de choses qui ne sont pas vraies, plein d'attestations qui ne sont pas valables, plein de choses que l'Azul n'aime pas, et nous, on a noué des choses dans nos cœurs, que l'azul n'aime pas. C'est pour ça qu'en apprenant les choses, en apprenant le vrai, on connaît le faux. Quand tu apprends le vrai, tu connais le faux. Il a dit ici, c'est donc il y a une seule secte qui va être sauvée dans cette vie et dans l'au-delà. Cette secte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré, il a dit « Man kana ala mithma ana alihi wa ashabi » Dans un autre hadith, « Man kana ala mithma ana alihi liyom wa ashabi » Dans un autre hadith, dans un autre hadith, le jama'a, tous ce sont des hadiths bons, hadith hassan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, certains l'appellent un secte, mais disons un groupe, c'est mieux. J'ai lu que certains l'appelaient secte. Donc ce groupe qui va être, inshallah, qui va triompher, c'est celui, comme j'ai dit, celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est, il a dit, Sawad al-A'zam, il a dit, Jama'a, Jama'a et Sawad al-A'zam, c'est qui? C'est tous, Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Naam, le groupe sauvé. J'ai dit que j'ai lu quelque part qu'on disait la secte. C'est pour ça que j'ai dit la secte. Maintenant, je préfère dire le groupe sauvé. Le groupe sauvé, donc c'est celui qui va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et va suivre qui? الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إلى دي إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. Donc ceux-là, ils vont triompher. C'est le groupe qui va triompher. Il va triompher jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. L'Azouj a dit dans le Coran: فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم الغالبون. وإلى دي وإن جندنا لهم الغالبون. Il a dit, le parti d'Allah, c'est lui qui va triompher. Il a dit, nos soldats, ce sont eux qui vont triompher. Quiconque à suivre le prophète et ses compagnons, c'est lui qui va triompher. Il va triompher ici, il va triompher demain quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a une petite question. Si on dit, parce que ici, il a dit qu'il va triompher jusqu'à la fin du monde. Ce groupe va triompher jusqu'à la fin du monde. Mais, peut-être quelqu'un va dire, il y a un hadith qui est vrai, qui dit que la fin du monde n'aura lieu que lorsqu'il n'y aura plus d'islam. Il n'y aura plus de gens qui feront la prière, il n'y aura rien. Il y aura seulement certains gens, yani, il y aura des gens qui adoreront les statues, ça reviendra comme auparavant. Hatta la yuqal Allah Allah, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une petite contradiction. Ici, il a dit que ce groupe va triompher jusqu'à la fin du monde. Ensuite, il y a un hadith qui dit que la fin de ce monde ne sera pas, yani, quand il n'y aura plus d'islam, plus de musulmans, il y aura la fin du monde. Les ulama ont joint entre ces deux hadiths, ils ont dit na'am. Quand il a dit ici jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire la fin de leur monde, jusqu'à la fin des musulmans. Quand il n'y aura plus de musulmans, le hadith est dans le Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un vent. Un vent, ce vent, quiconque est musulman, il mourra avec ce vent. Certains ont dit, je crois que dans le hadith, il a dit que ce vent rentrera comme ça, rentrera sous les aisselles. Et quiconque ce vent le touchera, il tombera mort s'il est musulman. Allah Azza wa Jalla donc enverra ce vent, rahma, yani pour yani faire la différence entre musulmans et coupables. Tous les musulmans avec ce vent vont mourir. Ils vont rester qui? Ils vont rester seulement le kuffar et l'ashrar, yani les plus mauvais des kuffars. C'est sur eux que sera la fin du monde. Alhamdoulilah, il n'y aura aucun musulman quand il y aura la fin du monde. C'est sur eux que Allah Azza wa Jalla descendra la grande malédiction en yani, en anéantir. Il va anéantir ce monde sur qui? Sur le kuffar. Il n'y aura pas de musulmans ce jour-là. Alhamdoulilah. Il a dit, c'est qui maintenant? Il a dit, c'est qui? Il a dit, Ahl-Sunnah ou Jama'a. Le groupe sauvé, c'est qui? C'est Ahl-Sunnah ou Jama'a. Pourquoi on a dit Sunnah? Pourquoi on a dit Sunnah? On a dit Jama'a. Remarquez bien, il y a deux choses. On dit on est des gens de la Sunnah et du consensus. Comme ça qu'on dit. On est du Sunnah et de la consensus. Moi, je dis comme ça, Alhamdoulilah, min al-Sunnah ou al-Jama'a. C'est quoi al-Sunnah ou al-Jama'a? Al-Sunnah, premièrement, c'est parce qu'ils suivent la Sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils suivent la Sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car ce n'est pas tous qui suivent, comme je disais, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chemin, yani, sur lequel il a marché. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un chemin, avait une voie qu'il a empruntée. Nous, on emprunte la même voie. On dit celui-là, il est de Ahl Sunnah. Et Sunnah, عند الأصوليين, quand on parle maintenant عند الأصوليين, quand ils disent Sunnah, c'est tout ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من فعل وقول وتقرير وصفات. Donc c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou ce qu'il fait, ou bien ce dont il est décrit, ou bien les choses qu'il reconnaît. Je donne un exemple. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des fois ce qu'il dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit beaucoup de choses. Il a dit des milliers ou des millions d'ahadith. Tout ça, on dit c'est la sunna. Hein, il a dit, par exemple, quand quelqu'un rentre à la mosquée, il ne s'assoit pas jusqu'à ce qu'il fasse de prière, de rak'at. Ça, c'est un hadith, il a dit. Ça s'appelle une sunna qawiyya, une sunna du parler, parce qu'il a parlé. Et il y a des sunnas fi'liya. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas, il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses. Toutes les choses qu'il fait, on appelle ça sunna, mais on dit sunna fi'liya. La sunna de l'acte, c'est pas de la parole. Il y a la sunna de la parole quand il dit quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la sunna de l'acte quand il fait quelque chose. Par exemple, il donne cette chose, ou bien par exemple il fait une prière de telle façon, etc. On dit ça, c'est une sunna de l'acte. Et il y a une troisième sunna, c'est quoi? La sunna de il ne fait pas, il ne dit pas. Mais il voit des gens faire, il les laisse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais devant lui, il n'accepte que quelqu'un fasse un péché, quelque chose en contradiction avec l'islam, sans qu'il ne le montre. C'est impossible. Il n'est pas permis en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quiconque fait quelque chose devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne le blâme pas, ça veut dire la chose qui a été faite, ça rentre dans la sunna. Ça s'appelle la sunna taqririya. Yani que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a laissé, n'a pas blâmé, l'a laissé faire. Ça s'appelle sunna taqririya. Par exemple, je donne un exemple. Il y a un sahabi, radiallahu ta'ala, qui a mangé quelque chose, ça s'appelle al-dab. Al-dab, c'est un petit reptile comme ça. C'est comme un lézard, un peu plus grand que le lézard, beaucoup plus petit que le crocodile. Qu'on trouve comme ça, yani dans le désert, etc. Il y a même certaines familles qui l'accrochent sur le mur. Etc. C'est comme un lézard un peu plus grand. Il peut faire jusqu'à presque un demi-mètre. Celui-là s'appelle Dab. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas mangé. Ça, il ne l'a pas mangé. Mais il a vu quelqu'un, Khalid ibn Walid, le manger devant lui. Il l'a vu le manger. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a rien dit. Il a dit, moi je ne mange pas cela. Il n'y a pas chez moi. En Arabie, j'ai jamais vu ça, donc je ne mange pas cela. A'af, yani, mon cœur, yani, c'est loin de lui, je ne peux pas le manger. Donc, quand il a laissé celui-là manger devant lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce reptile se mange. Pourquoi il se mange? Parce qu'il a vu quelqu'un manger devant lui ce reptile et lui a pas dit c'est interdit. Mais ça s'appelle une sunna de quoi? Une sunna de ne pas blâmer. Quand il voit quelqu'un faire une chose, il le laisse, ça veut dire que cette chose-là se fait. Il voit des gens faire, il les laisse, donc ça se fait. Il voit des gens parler de certaines choses, il les laisse, ça veut dire qu'ils ont dit, c'est vrai. Il a entendu une femme, quand on lui a, une bergère, on lui a dit, où est Allah, lorsqu'il lui a dit, où est Allah, elle a dit, fils Sama, elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et au-dessus des cieux, Fissama, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, subhanallah, a'tiqha, fa inna mu'mina, libère-la, c'est une croyante. Donc, quand elle a dit, Allah Azza wa Jalla est sur les cieux, s'il n'était pas sur les cieux, il l'aurait blâmé. Il lui aurait dit, subhanallah, qu'est-ce que tu dis là? Tu veux devenir mécréante? Allah Azza wa Jalla est sur les cieux. Non, il n'est pas au-dessus des cieux. On ne dit pas cela. Donc, lui, il l'a laissé dire. Quand elle a dit, il est au-dessus des cieux, bien au contraire, il a dit, donc c'est une croyante. Elle a su que son Dieu, yani Allah subhanahu wa ta'ala, est yani, au-dessus du trône, est au-dessus du trône. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a dit était vrai. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait quelque chose devant lui, ou là on dit quelque chose, si elle est en contradiction avec la religion, il la montre. Il dit non, c'est pas comme ça. Donc, ça, Ahl Sunna, et la description aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle de lui, on dit par exemple qu'il avait les cheveux noirs, on dit qu'il était ni grand, ni petit de taille. Tout ça, c'est la sunna. Ça s'appelle la sunna al-khalqiyya. Yani, comment c'était, yani, son physique, etc. Tout ça, ça rentre dans sa sunna. Et il y a aussi la sunna al-khuluqiyya. Il y a la sunna de son caractère. Comment qu'il était, comment qu'il faisait, comment qu'il riait, comment qu'il s'énervait, comment... Tout cela encore, ça rentre dans la sunna. Il a dit ici, ahl sunna. Yani, le groupe qui va être sauvé, c'est Ahl Sunnah, ceux qui suivent la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Al-Jama'a. Ahl Sunnah ou Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est aussi, yani, comment on dit, peut-être qu'on dit, le groupe, Al-Jama'a. Allah Azza wa Jal aime Al-Jama'a. Et Jama'a, c'est qui? C'est d'abord Jama'a, le groupe d'abord du Sahaba. Les Sahaba, radiyallahu ta'ala, non, Al-Jama'a, na'am. Al-Jama'a, c'est des groupes. Le premier jama'a, c'est Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Il n'y a pas de véritable groupe comme le groupe des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Allah Azza wa Jalla aime le jama'a, aime ceux qui se réunissent, il les aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, ici il y a quelque chose de très important. Ils se réunissent autour de quoi? Rada, c'est important. Ils se réunissent autour de quoi? Les chiites, sont réunis autour du shirk. Ils sont réunis, ils sont tous unanimes pour dire que si tu t'emboules, tu dis Ya Hussein. Ya Ali, tu dis jamais Ya Allah. Ça, ils sont réunis qu'il faut aller à la tombe et il faut, une fois par an, ou une fois par mois ou là, il faut égorger des moutons, etc. Sinon, il va t'arriver beaucoup, beaucoup de malheur. Ils sont réunis pour, yani, combattre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, elle, sunna, ou le jama'a, ceux qui vont être sauvés ici et dans l'au-delà, ils doivent être réunis autour de quoi? Autour du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons, comme je viens de dire. C'est pour ça que, quand on dit réunis, ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de, tu te réunis, on te réunit autour de la vérité. Là, je voudrais corriger à mes frères et mes sœurs quelque chose que beaucoup se trompent. Beaucoup croient que nous, on veut le nombre. Yani, alhamdoulilah, on est 10 000, on est 100 000, on est 10 millions, on est 1 milliard de musulmans, alhamdoulilah. Non, nous, on ne veut pas le nombre. Barakallahu fikoum. Nous, on veut la qualité, c'est pas la quantité. À quoi ça me sert qu'on soit des millions et on est faux, on n'est pas dans le vrai chemin? À quoi ça me sert? C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit Al-Jama'a, le groupe, Jama'a, Antakuna al-Haq walaw kunta wahdak. Le groupe, c'est que tu sois avec la vérité, même si tu es seul, ma'am. Si tu es seul, mais tu as un hadith avec toi, tu as un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est vrai, authentique, et vraiment tu connais son explication, maintenant tous les autres sont contre toi, c'est toi le groupe, c'est pas eux le groupe, non, c'est toi le groupe, parce que toi tu as un hadith authentique, tu t'es basé sur lui, les autres ils ont parlé de leur tête, ils sont nombreux, mais ce qu'ils ont dit c'est faux, ils ont parlé de leur tête, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla, qu'il a parlé de Ibrahim, alayhi wa nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna Ibrahima, كَانَ أُمَّةً قَانِتًا إِنَّ إِبْرَاهِيم était une nation, umma, alors qu'il était un seul. Il était. Pourquoi? Parce qu'il était avec la vérité. Il était avec le tawhid. Tous les autres, c'était des associateurs des mouchrikoun. Les mouchrikoun des kuffars. Donc nous, ce n'est pas le nombre qu'on veut. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih qu'il va vous arriver beaucoup de mashakil, beaucoup de problèmes. Alors les sahaba ont dit, radiyallahu ta'ala anhum, pourquoi? Awa min qiblatin yawma idin ya Rasulullah? Pourquoi ya Rasulullah? Parce qu'on sera peu? Il a dit non, c'est pas parce que vous serez peu. Bilax, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. Vous voyez l'écume, quand elle vient la vague, elle vient avec de l'écume blanche. Ensuite, tu attends 10 ou 15 secondes, il n'y a plus d'écume. Tu entends comme c'est un petit bruit, ensuite toute l'écume, elle est comme le ballon qui se dégonfle. Donc, on est nombreux maintenant, mashallah, on est 1 milliard et je ne sais pas. Mais qui en est dans le milliard des musulmans, combien qu'il y a de vrais musulmans qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le chemin des compagnons et des prédécesseurs à la dirahu. C'est pour ça que tu trouves par exemple la grande différence, par exemple, Naam, on est considéré comme Jama'a lorsqu'on est conforme à la vérité, même si on est seul. C'est un hadith sahih, mawquf ala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour ça la grande différence entre nous, par exemple, et les ikhwan muslimin, les frères musulmans, il y a beaucoup de différences entre nous et eux. Par exemple, l'une des plus grandes différences, c'est quoi? C'est que eux, ils se basent sur le nombre. Il te dit, l'essentiel, c'est le groupage et le groupement. Laisse les gens venir dans notre partie. Les chiites, ce sont nos frères. Les chrétiens, ce sont nos frères. Les kharijites, les tekfiris, ce sont nos frères. Al-Muhim, soyons nombreux. Soyons nombreux dans le parti. Alors, c'est un chiisme qui groupe les gens. Il groupe les Mu'taziyah avec les Kharijis, avec les Qadiris, avec les Takfiris, avec les Ash'aris, avec les Karamis. Il groupe tous. L'essentiel d'être nombreux. Quand tu le vois, tu dis, Masha'Allah, le nombre qu'ils ont, les frères musulmans, c'est des millions, Masha'Allah. Mais ont-ils un jour réussi, ont-ils un jour réussi à faire ce qu'ils veulent? Ils veulent le khalifa, le gouvernorat islamique. Sont-ils arrivés depuis des 100 ans ou bien plus? Sont-ils arrivés? Ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le vrai chemin. Parce que lui-même, il est loin de la sunna. Lui-même, dans son comportement, dans ses habits, dans son caractère, il est loin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a dit, il a dit, si vous voulez faire triompher Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, il va vous faire triompher. Mais si tu ne fais pas ce que Allah a dit, tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne fais pas comme lui, tu ne suis pas le même chemin, jamais tu ne réussiras. Donc le grand, yani la grande différence entre nous et eux, c'est que eux ils se basent sur le nombre et nous on dit non. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en arabe, jammi'u summa allimu, groupez, ensuite on va apprendre aux gens. C'est pas important d'apprendre le din, hein? C'est pas là ça l'essentiel. L'essentiel c'est qu'on soit nombreux. Après, Inch'Allah, on va apprendre. Nous, on dit non. Apprenons, ensuite groupons-nous. Vous voyez, c'est très contradictoire. Eux, ils disent groupons-nous. Ensuite, on va apprendre. Nous, on dit non. Apprenons, ensuite groupons-nous. Quand on commence à apprendre, voilà les bases de l'islam, voilà comment on doit apprendre, etc. Là, on va se grouper sur cette chose qu'on a apprise. Et celui qui n'a pas voulu cette chose, bien sûr, il la délaisse et il va dans un autre groupe, ou là une secte, ou là un parti, etc. Donc nous, c'est en apprenant les gens, le kitab, le Coran, la sunna, qu'on se groupe. Et les autres, non. Ils se groupent d'abord, ensuite ils vont dire, bien maintenant on va apprendre, mais jamais nous aurons le temps d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont très occupés par la politique. La politique, hein, comment arriver au Parlement, comment être wazir, ministre, ensuite comment être gouverneur, etc. Donc, Pour arriver là-bas, tu n'as pas le temps de lire le Coran. Au lieu de lire le Coran, pourquoi je vais lire le Coran? Moi, je préfère lire le journal. Pourquoi? Parce que le journal va me dire que veut faire le président, va me dire c'est quand la date du Parlement, c'est quelles sont les conditions pour rentrer au Parlement. Ça, je ne trouve pas dans le Coran. Donc, moi, je suis intéressé par le journal et la politique beaucoup plus que le Coran. Voilà la grande différence. Tandis que les autres, non. Moi, je suis intéressé par le Coran. Moi, c'est quand je tiens bien au Coran, je tiens bien sur la voie du prophète, c'est Allah Azza wa Jal qui me fera triompher. Et en ses mains que le triomphe se trouve. C'est pas en mes mains, moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand il me voit sincère, il me voit que j'aime vraiment ce deen, que j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que j'essaye d'être comme lui, que j'essaye d'appliquer. Il va me dire, maintenant, je vais te donner, c'est moi qui vais te faire triompher. Les autres croient que triompher, c'est une question de quoi? Une question de nombre et d'armes. Hein, d'armes. Ce n'est même pas les armes yani, du corps. Les armes, seulement la mitraillette, je ne sais pas quoi, les avions. Et tu n'as pas la grande arme qui est dans le cœur. Tu n'as pas la aqida. Tu n'as pas la aqida. À quoi ça sert? C'est comme quand... Certains gens disent, vous dites par exemple, vous dites Ayatul Kursi, quand tu la lis, par exemple, s'il y a un magicien devant toi, il ne peut rien faire. Mais s'il y a un shaitan, il va s'enfuir. Allah, moi, je l'ai lu 50 fois, il ne s'est rien passé. Non, tu l'as lu, toi tu l'as lu. Mais il y a un autre qui va la lire, il va se passer beaucoup de choses. Pourtant, c'est le même verset. C'est un seul verset. Ayatul Kursi. Pourquoi? Parce que Ayatul Kursi, c'est comme une épée. Je vais voir à qui j'ai donné l'épée. Si je vais la donner à quelqu'un de 75 ans et 80 ans, il peut même pas la tenir. Il peut même pas la tenir dans ses mains tellement il est vieux et elle est lourde pour lui. Maintenant, s'il frappe, peut-être qu'il va frapper son pied. Tellement il tremble. Mais là, je donne l'épée à quelqu'un de 20 ans ou là 25 ans, quelqu'un qui est fort, il va voir qu'est-ce qu'il va faire avec une seule frappe d'épée. La même chose est le coursé. Quand tu la donnes à quelqu'un qui son cœur est plein de tawhid et son cœur est plein d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Et quand tu le. Quelqu'un qui va lire Ayat al-Kursi, dans son cœur, il n'y a rien, il y a seulement les innovations, l'obscurité, et il y a une toile d'araignée. Dans son cœur, il a une toile d'araignée. Celui-là, Ayat al-Kursi ne va rien faire pour lui. Celui-là, il va la lire. Pourquoi ? Il va la lire avec ses lèvres, pas avec son cœur. Il va faire bouger ses lèvres comme ça, mais pas avec son cœur. C'est comme ceux qui disent Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, alors qu'il n'est même pas avec, il n'est même pas concentré. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, tu le trouves avec le chapelet dans la main. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est pas ce que Allah Azza wa Jalla a voulu de toi. Allah Azza wa Jalla ne donne pas de hasanat au perroquet qui dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Parce que c'est un perroquet. Il faut que tu aies l'intention dans le cœur que je suis en train de dire Subhanallah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime subhanallah, et qu'est-ce que ça veut dire subhanallah? Là, il va te donner des ajr. Mais dire comme subhanallah, subhanallah, tu sais pas ce que tu dis. Comme certains gens qui terminent la prière. Dès qu'ils terminent, ils commencent. Et se lèvent. Qu'est-ce qu'il a dit? En Algérie, le chien lui dit sub, sub, il a dit sauve-toi, sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub. C'est quoi? Il a dit, c'est. On risque même d'avoir des péchés. On risque d'avoir des péchés en disant cela. Pourquoi? Parce que. On n'a pas respecté cette chose. Yani, c'est comme si on parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais on parle, yani, c'est presque mal élevé. C'est pas comme ça qu'on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça qu'on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ici, naam, ijtima', donc c'est le groupe. Nous sommes, incha'Allah ta'ala, on voudrait être ceux qui suivent le groupe, j'ai dit qui est le groupe, et pas le groupe des Ikhwan. Le groupe de qui? Le groupe des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, et on voudrait suivre le groupe des fils des Sahaba, et Salaf Salah, radiyallahu ta'ala anhum. Le groupage, il y a deux sortes. On se groupe autour du din, et on se groupe autour des personnes. Itima'a. Naam, le regroupement. Il y a deux sortes. Regroupement bil abdan, on se regroupe par le din, la religion, et regroupement bil abdan, on se groupe par les corps. Comment cela? Se regrouper avec le din, c'est clair, je viens d'expliquer maintenant qu'est-ce qu'on doit suivre, etc. Là, je n'oublierai pas seulement de dire une chose. Beaucoup de gens se basent sur un hadith qui n'est pas vrai. Ils disent, le prophète Ali Sassam a dit, Ikhtilaf ummati rahma. Le fait qu'on soit comme ça, yani, comment on dit ikhtilaf? Yani, le fait qu'on soit comme ça, désuni, yeah, divergé, on diverge, yeah, il dit ça, c'est de la rahma. Le hadith a dit comme ça. On leur dit, attention, c'est grave ce que vous dites, premièrement, la divergence, naam. Ils disent, la divergence, c'est la rahma. Alhamdoulilah, moi j'ai mes idées, toi tu as tes idées. Non, smahli. Non, la divergence c'est une miséricorde. Non, on leur dit la divergence dont tu parles, c'est la divergence dans la ce que vous appelez vous votre démocratie. Ah, dans la démocratie qu'ils appellent la démocratie, chacun a ses idées, etc. Là, en islam, c'est pas comme ça. En islam, c'est l'union qui est une miséricorde, c'est pas la divergence. Ce hadith, premièrement, il n'est pas vrai. Deuxièmement, il y a un autre hadith qui est Hassan, il se trouve chez Sheikh Al-Albani, Sahih Al-Jama', qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jama'atu Rahma. Le regroupement, le rassemblement, c'est un Rahma. Ou Al-Furqatu Azab. Et la divergence, c'est un châtiment. Azab, Iqab. Donc voilà, celui qui me dit que la divergence, c'est une miséricorde, Goulou, premièrement, c'est un hadith da'if. Deuxièmement, ça va à l'encontre d'un autre hadith qui est bon. L'autre hadith a dit que le contraire. Il a dit que le jama'a rahma, c'est le regroupement qui est une miséricorde, c'est pas la divergence. Ensuite, il a dit ul furqatu azab, il a dit que la divergence c'est un châtiment. Ensuite, l'Azza wa Jalla a dit et ils sont toujours comme ça, yani en divergence, sauf que illa man rahim rabbuk, sauf ce que Allah Azza wa Jalla, yani, il a été miséricordieux envers eux. Donc, ceux qui, Allah Azza wa Jalla a été miséricordieux envers eux, alhamdoulilah, ils ne sont pas en divergence. Parce qu'il a dit, sauf que, tous les gens sont là, sauf que, Donc, voilà une preuve du ayat, du Coran, qui dit que la divergence n'est pas bien. La divergence n'est pas bien. Ensuite, j'ai dit que, donc, premièrement, on converge autour du Coran, de la Sunna et des compagnons, Salaf Salah radiallahu ta'ala anhu. Première convergence. Convergence de la religion. Ensuite, il y a convergence des corps. Des corps. On converge avec nos corps autour de quoi? Autour du gouverneur. Voilà la deuxième des choses. Al-Sunna ou al-Jama'a. Al-Jama'a, t'ishtami'a al-Kitab ou al-Sunna. Ou fahm al-Salaf. Ou t'ishtami'a aydan ala man al-Hakim al-Muslim. Voilà maintenant une grande chose qui va nous différencier de beaucoup, beaucoup de sectes. Nous, c'est ce qu'on dit. On dit que quand on a un gouverneur, s'il est musulman, la seule condition, il est musulman, même s'il n'est pas pratiquant, il boit de l'alcool, sa femme n'a pas de djilbab, ses filles vont danser, tout cela, ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il a dit « Ashhadun la ilallah, Ashhadun Muhammadan abdu rasulu », il n'a pas fait quelque chose qui est nul. Il n'est pas venu à la télévision, il a dit « Je ne reconnais pas le ramadan, je ne reconnais pas le hijab, je ne reconnais pas la sunnah, je suis contre ceci ». Ça, ça annule. Tant qu'il n'a pas dit cela, il a laissé les mosquées, il bâtit des mosquées, il me laisse marcher dans la rue avec mon hijab, avec ma barbe. Celui-là, il est interdit, strictement interdit de le combattre. Bien au contraire, il faut être avec lui. Il faut être avec lui. Celui-là, on doit être avec lui. Si maintenant, il y a un groupe, bien sûr, ce sont qui? Ce sont Tkfiriyin ou Khawarij qui disent non. Nous, quiconque, ne juge pas seulement avec l'islam, celui-là, on doit lui faire la guerre. C'est un kafir, on doit lui faire la guerre. Et nous, on dit, celui qui ne juge pas avec l'islam, on a beaucoup, il y a plusieurs sortes. Il ne faut pas généraliser. Il y a celui qui ne juge pas avec l'islam, et le Coran la Sunna, il dit « Je ne reconnais pas cela ». Celui-là, c'est un kafir. Il y a deuxième sorte, celui qui ne juge pas avec le Coran et la Sunna, il dit « Parce que la démocratie est mieux que le Coran et la Sunna ». Celui-là, c'est un kafir. Ensuite, il y a la troisième sorte, celui qui dit « Je ne juge pas avec le Coran et la Sunna », parce que, c'est à pied égal avec, par exemple, la démocratie. C'est la même chose. Avec la démocratie ou avec celle-là, je ne dis pas la démocratie est mieux, mais les deux sont valables. Ou bien ceci, ou bien l'islam. Celui-là, c'est un kafir. C'est la troisième sorte. Le premier a nié. Le deuxième a dit, la démocratie, c'est mieux. Le troisième a dit, ils sont égaux. Les trois sont des kofars. Quatrième qui, comme la plupart des gouverneurs musulmans. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, naam, il y a le Coran, il y a la Sunna, je sais que c'est Allah qui a dit, mais moi, j'ai des dorof, je ne peux pas pour telle ou telle raison. Je sais que c'est vrai, je suis fautif, mais pour telle ou telle raison, je ne peux pas. Comme moi, j'ai entendu une fois le président d'Algérie à la télévision dire, je l'ai entendu avec mes propres yeux, il a dit, moi, je vous dis la vérité. Avant d'être président, je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas juger avec le Coran et la Sunna. Pourquoi? Ça, maintenant, c'est grave. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est d'après ce qu'il va dire qu'on va dire. Il est musulman et il n'est pas musulman. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que la charia islamia, ça demande beaucoup d'ulama. Ça demande de grands ulama. Ça demande beaucoup de science. Et moi, tout cela, je ne l'ai pas en Algérie. Donc, regardez ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je ne reconnais pas le Coran et la Sunna. Il a dit, au contraire, c'est parce que ça demande beaucoup de ulama que je n'ai pas, que je ne peux pas, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que je vais appliquer. Je n'ai pas comment appliquer. Donc, maintenant, s'il y a quelqu'un, il va me dire, celui-là, c'est un kafir. Toi-même, tu deviens kafir. Pourquoi? Parce que tu as dit kafir à quelqu'un qui n'est pas kafir. Tu as dit kafir à quelqu'un qui n'est pas kafir. Donc, El Sunna ou Dama'a, si tu, pour savoir si quelqu'un est salafi ou n'est pas salafi, c'est l'un des signes. Il y a beaucoup de signes. À chaque fois, je vous en donne quelques-uns. C'est qu'est-ce qu'il pense du gouverneur musulman. qui te dit on lui fait la guerre, celui-là ce n'est pas salafi, ce n'est pas un salafi. Si c'est quelqu'un qui parle de lui dans les cafés, prend une cigarette et commence du matin au soir, il a fait, il a volé, il a tout pris, il a donné à ses frères, il a construit des villas en Europe, il a ceci, il a pris tout l'argent du peuple, etc. Celui-là aussi ce n'est pas un salafi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de parler du gouverneur musulman. Gouverneur musulman, d'ailleurs, comme on dit les ulama, ils ont dit, même si maintenant, il y a un groupe qui s'est levé. Il y a un groupe qui s'est levé, supposons, je donne toujours des exemples, supposons en Algérie. Il y a maintenant un groupe, 100 ou les 200 ou les 10 000. Ils se sont réunis et ils ont dit, nous voulons maintenant, par exemple, nous avons des problèmes avec ce gouverneur. Les ulama ont dit, ce gouverneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit leur envoyer quelqu'un comme intermédiaire pour voir ce qu'ils veulent. Comme a fait Ali radiallahu ta'ala anhu avec les Kharijites, il leur a envoyé Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Ils étaient 8 000, certains ont dit ils étaient 12 000, 6 000 sont revenus. Donc ils ont entendu Abdullah ibn Abbas, la moitié. Si c'était 8 000, c'est 4 000, si c'était 12 000, c'est 6 000. La moitié est revenue. C'est dire quoi? C'est dire qu'ils ne connaissent rien de la sunna. Ils connaissent seulement le Coran, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils ont entendu Abdullah ibn Abbas parler, et vous savez qui est Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, vous savez qui c'est. Subhanallah al-Azim, ils ont été étonnés. 4 000 ou les 6 000 sont revenus et sont allés joindre Ali radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi? Parce que le takfiri, le khadji, n'a pas d'ahadith. S'il a des ahadith, ils sont ou bien faux, ils ne sont pas vrais, ou bien il les a compris à l'envers, il les a compris comme il veut lui. Hein, il les a expliqués comme il veut lui. Donc ils ont dit, ensuite, quand il leur envoie, s'ils demandent, quand il leur envoie l'émissaire, s'ils demandent que par exemple on voudrait que tu partes, ou là on voudrait que Kada, ou là on voudrait des choses, c'est pas ça. Les ulama ont dit, ou bien il va leur donner de la chose, ou bien il ne va pas la leur donner. S'il la leur donne et ils s'en vont, alhamdoulilah. S'il ne leur donne pas cette chose qu'ils veulent, peut-être qu'ils veulent, lui disent, on veut que tu partes, il vient un autre à ta place. S'il leur donne pas la chose, ou bien ils vont partir, ils vont dire, bon, ça, tu ne nous as pas donné, là, on va à la maison, ou bien ils continuent, ils disent, non, on reste ici. Dans ce cas, ulama ont dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Allah yahmou, il a dit, il est obligé, le gouverneur, de s'entretuer avec eux. Ça veut dire d'essayer de les tuer à l'eau. Pourquoi? À cause de la fitna qu'ils font. Et ici, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, et le peuple, les autres, doivent dans ce cas aider le gouverneur. Aider, doivent être de son côté contre cela. Contre cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, بَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلْنَهُمْ قِتَالَ عَادٍ وَفِلُوَا قِتَالَ ثَمُودٍ. Il a dit, si je vais les rencontrer, je vais les tuer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existe plus. Il y a d'autres maintenant, khalifa qui sont à sa place. Quiconque tient le pouvoir, il est musulman, ça s'appelle un khalifa pour toi. Ça s'appelle le khalifa. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a pas un khalifa comme autrefois, quand Omar radiallahu ta'ala anhu, qui, yani, toute la terre, il pouvait la diriger. Maintenant, chaque pays musulman, celui qui est gouvernant dans le pays musulman, gouverneur, c'est lui que tu dois obéir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, a dit quiconque, yani des musulmans, meurt, du verbe mourir, sans avoir reconnu que le président Hada de ton pays, c'est lui, ton émir, c'est lui que tu dois suivre, c'est lui à qui tu dois obéir. Il a dit, s'il meurt, il meurt mitet jahiliya. Il meurt comme sont morts les kuffars auparavant, Abu Jahl et la clique. Pourquoi? Parce qu'en leur temps, il n'y avait pas le président et le khalifa, etc. Il y avait des tribus, chefs de tribus, c'est tout. Maintenant, il a dit, quiconque se trouve dans un pays musulman, et dans son cœur, il ne se dit pas, celui-là, c'est celui que je dois, auquel je dois obéir. Même s'il boit du vin, il fait la zina, il vole, il a pris tout l'argent. Tu dois lui obéir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Hadith dans Sahih Muslim. Hadith dans Sahih Muslim, il a dit même qu'il fouette ton dos et il te prend ton argent. Naam, il fouette ton dos. Tu n'as rien fait, il te prend, il fouette ton dos. Maintenant, les tikfiriyoun, les pauvres, dès qu'on les jette en prison, ils commencent. Ah, tu vois, si c'était un musulman, comment qu'il me ferait venir en prison? C'est un musulman celui-là, c'est pas un musulman. Un musulman, pourquoi il ne prend pas les offres des koufars? Pourquoi moi, il m'a mis en prison, moi qui fais prière, etc. Et pourquoi il m'a pris ma terre? Mon grand-père m'a laissé une ferme de 20 hectares. Il est venu le président, il l'a prise. Il l'a donné à son fils. Celui-là, c'est un président, celui-là, c'est un muslim. Ce n'est pas un muslim. C'est comme ça que le tekfir a commencé. Où a commencé le tekfir? Il a commencé en prison. C'est en prison que le tekfir commence. On dialogue, on discute, on dit non, celui-là, ce n'est pas un musulman. Et alors? Ce n'est pas un musulman. Qu'est-ce que tu fais du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit dans Sahih Muslim. Il a dit, même s'il fouette ton dos, même s'il te prend ton argent, ça veut dire le mal, c'est seulement l'argent, il te prend tes biens, ta voiture, tes villas, ta ferme. Même s'il te prend cela, il a dit, tu dois te taire et tu dois ne pas le combattre et tu dois reconnaître que c'est lui auquel tu dois obéir. Mais Takfirion et les autres n'acceptent pas cela. Ils disent jamais. Comme j'ai entendu Abdelmalek qui est en Arabie Saoudite, Abdelmalek Ramadani, j'ai entendu une fois, il a dit, j'ai entendu ou bien il a écrit, ça je l'ai lu, mais c'est lui. Il a dit au point où un des Takfirion, la hawla wa la quwwata illa billah, quand on lui a dit ce hadith de il faut être son dos, etc., il a dit, moi donc, je ne suivrai pas un prophète qui va me yani, qui va me rendre yani, je n'ai pas de valeur. Moi, je ne suis pas un prophète qui fait de moi yani, que je n'ai plus de valeur. Celui-là, c'est devenu mécréant. Toi, tu ne suis pas le prophète qui dit s'il faut être ton dos, tu dois lui obéir. Tu ne suis pas le prophète qui dit s'il te prend ton argent, tu dois lui obéir. Khalas, tu es mécréant. Je ne suis pas le prophète. Khalas. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. On aura, c'est sûr, beaucoup de problèmes avec les tekfiriyoun et les khalidites, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils resteront jusqu'à la fin du monde. Naam. Il a dit, les khalidites resteront jusqu'à la fin du monde. Il a dit, jusqu'à ce que le dernier des khalidites, le premier, c'est pourtant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le dernier, il a dit, jusqu'à ce que le dernier viendra avec le Messie Dajjal, l'antichrist. Naam. Il viendra sur. Il a dit, viendra avec ses soldats. La hawla wa la quwwata illa billah. Le kharijite, quand il va venir à la fin du monde, il ne va pas être du côté des musulmans. Il va être du côté, pas des croyants, il va être du côté du Messie Dajjal. Il va entrer avec ses soldats pour tuer les musulmans. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Pourquoi il va tuer les musulmans? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, lorsqu'il a décrit les kharijites, il a dit qu'ils font beaucoup de prières, ils lisent beaucoup de Coran. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Yaqtuluna ahl al-islam ». Ils tueront les gens de l'islam « Wa yada'una ahl al-kuffar » et ils laissent les kuffars. Naam. Et Kharijit, il veut tuer qui? Il veut tuer les musulmans. Mais le kafir, le juif, celui-là qui a des problèmes avec les musulmans, celui-là, il ne le cherche jamais. Lui, il cherche où est le musulman? Il veut tuer le musulman. Il dit aux musulmans « Toi, tu es un kafir. C'est à cause de toi qu'il s'est passé ceci et cela, c'est à cause de toi qu'on est devenu comme ça, donc je commence par toi. » Il commence par le musulman, et il trouve le kafir comme ça devant lui, il lui fait la révérence, il le salue, il l'invite à boire et à manger. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Yaqtuluna al-islam wa yada'una al-autan ». Je m'arrête ici, inshallah ta'ala. Subhanak, le temps est terminé. Subhanak, Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد 10 دقائق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه صوت أسك فيه صوت وعليكم السلام ورحمة الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين premièrement j'avais donné à une sœur. Justement, je ne me rappelle plus qui c'est cette sœur. Je suis à 50%, elle s'appelle Oum Abdrahman quelque chose. Oum Abdrahman 1000 ou là quelque chose. Elle devait me faire la traduction d'une de ma biographie. La traduction. Lui envoyer la traduction, ça fait une semaine à peu près. Elle disait qu'elle allait la faire dans le week-end. Mais elle ne l'a pas faite. Maintenant, je me suis dit, peut-être qu'elle est partie en voyage. Je ne sais pas, elle n'a plus donné de nouvelles. Peut-être qu'elle est partie en vacances, je ne sais pas. Ça, je demande à quiconque, Yanni, qu'on ait bien les deux langues. Quiconque, qu'on ait bien. Ah, tu la connais? Peut-être qu'elle peut pas, peut-être qu'elle est partie en voyage, peut-être, je ne sais pas. Non, s'il y a quelqu'un, Yanni, qui connaît bien les deux langues, il m'écrit, Yanni, l'autre mail et je lui donne... C'est une page seulement, inshallah ta'ala, pour la traduire de l'arabe en français. Et c'est pas, Yanni, obligé de la traduire intégralement, mot à mot. Il traduit à peu près le sens. On commence, inshallah ta'ala, la première question. Dans la première question, on a dit... J'ai une question très urgente. Donc voilà, j'ai 10 pauvres à nourrir. Suite à un serment, je n'ai pas tenu. J'ai juré par Allah que j'allais faire quelque chose, et je ne l'ai pas fait. Et ici, dans ma ville, il y a des étudiants musulmans. Alhamdoulilah, qui vivent loin de chez eux, ils vivent dans une petite chambre. C'est à eux que je donne la zakat, le fait, et mon mari. Vu que d'après ce qui arrive, j'ai une expiation suite à mon serment que je n'ai pas tenu, à savoir nourrir 10 pauvres. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que je peux nourrir ces étudiants pour expier mon acte? Et si oui, comment dois-je les nourrir? Un repas de combien, barakallahu fikoum? Ou est-il préférable de donner à manger direct? De donner direct à manger. Si oui, quoi? Alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Ces étudiants, ce n'est pas le fait, yani, qu'ils soient étudiants, que, yani, on peut leur donner la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, on la donne à quelqu'un qui est pauvre. Donc eux, s'ils sont pauvres, on leur donne. S'ils ne sont pas pauvres, on ne leur donne pas. Il se peut que quelqu'un soit un étudiant, il a beaucoup d'argent dans la banque. Et il se peut que ce soit un étudiant, il n'a pas d'argent. Donc, vous estimez à peu près, après yani, ce que vous voyez, est-ce qu'ils sont pauvres ou ils ne sont pas pauvres. S'ils sont pauvres, inshallah ta'ala, vous pouvez leur donner la zakat et vous pouvez donner, j'ai dit la zakat fait, on ne la donne pas parce qu'il est étudiant. On la donne parce qu'il est pauvre, pas parce qu'il est étudiant. Parce qu'en ce qui concerne les 10 repas, c'est la même chose. Quand quelqu'un a juré de quelque chose, ensuite il ne l'a pas fait, il ne commence pas par le siyam, comme j'ai dit une fois. Il commence par faire manger 10 pauvres. Et faire manger 10 pauvres, ce n'est pas comme beaucoup se trompent, ils vont donner de l'argent. Il va prendre 10 pauvres, il va donner à quelqu'un un peu d'argent. Mais il doit les faire manger et non pas leur donner de l'argent. Ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas sadaqa. Ce n'est pas de la sadaqa. C'est pour ça que, maintenant, comment qu'on va faire pour leur donner de... Pourquoi? Parce que quand tu lui donnes de l'argent, c'est pas sûr qu'il va manger. Peut-être qu'il va aller au cinéma, peut-être qu'il va acheter des cigarettes. Mais là, je lui ai dit, tu dois lui faire manger ou bien tu dois l'habiller. Maintenant, comment je vais faire pour le faire nourrir? Il y a plusieurs façons. Ou bien je fais comme a fait Anas radiallahu ta'ala anhu. Anas, une fois, il n'a pas fait le ramadan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a... fait ce qu'on appelle djifna, hein, une grande marmite, quelque chose comme ça, plein de manger. Ensuite, il l'a invité d'après les jours qu'il n'a pas jeûné. Si je n'ai pas jeûné 10 jours, j'invite 10 mendiants. Maintenant, je dois faire manger 10 mendiants. Je peux faire quelque chose comme ça, beaucoup, par exemple, beaucoup de couscous, etc. Ensuite, j'invite 10 personnes, à condition que les 10 personnes soient pauvres. C'est pas je vais inviter mes amis, je vais inviter mes voisins. Non, j'invite mes amis les pauvres et mes voisins les pauvres. Voilà, c'est la première condition. Maintenant, il y a une autre façon. Il y a de yani, faire à la maison, cuisiner à la maison, de ce qu'on mange nous, ce qu'on mange en général. Pas la chose la chère et pas la chose la moins chère. Ce qu'on mange en général et que yani, je partage comme ça, on dit 10 choses. et je cherche 10 personnes, je leur donne à manger. Mais ce n'est pas, yani, il faut toujours, yani, la chose, comme je viens de dire, la plus riche ou là. C'est quelque chose, yani, de simple. Ce que je mange, moi, je lui donne, lui. L'essentiel, c'est que quoi? C'est que, jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Yani, tu lui donnes pas juste un peu, ensuite, il va rester comme ça, le ventre creux. Jusqu'à ce qu'il dise, je veux plus manger. Maintenant, il y a une autre façon aussi. Une autre façon. Quand quelqu'un connaît quelqu'un qui a un restaurant, et il sait que celui qui a ce restaurant, c'est un musulman, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance. Je lui dis, Barakallahu fik, combien mange chez toi une personne? Quand quelqu'un vient manger, c'est combien qu'il mange pour yani, hatta yishba. Il me dit, par exemple, c'est, je ne sais pas, 20 dinars ou là, 20 euros, ou là, il dit, c'est comme ça. Une personne, c'est comme ça qu'elle mange. Maintenant, s'il est confiant, je lui dis, Barakallahu fik, tu as dit, par exemple, 5 euros la personne. Maintenant, voilà 50 euros, ça veut dire 10 personnes. Tu les laisses chez toi 50 euros. Et, Inch'Allah, ta'ala, je te fais confiance, tu fais manger 10 personnes chez toi quand tu vois qu'ils sont pauvres. Et lui, s'il est confiant, il a un carnet devant lui. À chaque fois qu'il voit un pauvre manger, lorsqu'il veut payer, il lui dit non, c'est pas la peine, on a déjà payé. Ensuite, il fait une croix sur la robe que, comme quoi cette personne a mangé. Donc, il y a plusieurs façons. L'essentiel, c'est de ne pas leur donner de l'argent, mais c'est de les faire manger. Ensuite, j'ai oublié de dire une chose très importante. Ce n'est pas obligé de les faire manger tous à la fois. Ce n'est pas obligé. Tu as 10 personnes, tu fais manger aujourd'hui une. Dans un mois, tu fais manger la deuxième personne. Dans 15 jours, la troisième personne. Demain, je fais manger 3. Dans 3 mois, je fais manger 1. L'essentiel, 10. Ce n'est pas dit que tu dois les faire manger tous à la fois. Non, c'est dit cela. À chaque fois, hein, etc., etc. C'est comme ça, Allahu ta'alam. Ensuite, quelqu'un a dit, j'ai jeûné des jours, j'ai formulé l'intention dans mon cœur, mais j'ai pas précisé si c'est pour rattraper le deal que j'avais ou pour ajr. Et c'est plusieurs jours que j'ai fait, là, je ne sais pas quoi faire. Si penser que ces jours sont surérogatoires, et rattraper mon din ou quoi. Naam, ma soeur, quand tu as du din, et toutes les femmes ont du din, c'est obligé, quand tu as du din, il faut que tu, premièrement, il faut que tu les rattrapes avant que ne rentre l'autre ramadan. Il faut les rattraper avant la rentrée de l'autre ramadan. Comme a dit Aïcha, radiallahu ta'ala, kana yakunu alayhi din ramadan, fala akhdhihi fi sha'ban. Donc, maximum c'est sha'ban. Maximum c'est Sha'ban, juste yani, le dernier mois avant le ramadan. Si on les laisse jusqu'à que l'autre ramadan arrive, on doit les faire après le ramadan, le deuxième, avec le ithm, avec des péchés. Tu les fais et en même temps tu as des péchés. Les ulama qui ont dit, si on les fait après un autre ramadan, on doit sortir de l'argent aussi, on doit faire manger quelqu'un, on fait la fidya, cela n'est pas vrai. Il n'y a ni un hadith, ni un verset qui dit cela. Cela, ils ont dit comme ça, ijtihadan. Et le vrai, c'est que tu fais seulement le jeûne et tu as le péché. Donc il faut, inshallah ta'ala, faire son possible pour faire les jours avant quoi? Avant que ne vienne le prochain ramadan. Avant que ne vienne le prochain ramadan. Quant à toi, ma soeur, tu as jeûné, mais tu n'as pas fait l'intention. Tu as dit je jeûne comme ça. Cela n'est pas valable. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal va t'écrire le ajr que tu as fait des hasanats, c'est tout. Mais ton din, il est toujours sur tes épaules. Car le din, quand on le fait, on doit quoi? On doit avoir l'intention que c'est le din. On doit avoir l'intention que c'est le din. C'est pour ça, là, je vais vous dire quelque chose d'important aussi. C'est quoi? C'est que quand quelqu'un fait la nafila, il va dire, par exemple, ce jeudi, je vais jeûner. Pourquoi tu jeûnes? Nafila, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le hajj, c'est pas un din, hein? C'est pas un din, nafila. Surérogatoire. Celui-là, quand il fait, quand une personne fait nafila, ensuite, par exemple, à midi, à 2h, à 14h, à 11h du matin, elle se désiste, elle se dit non, je vais pas continuer, je préfère m'arrêter. Ou bien, par exemple, j'ai mal à l'estomac, Ou bien tout simplement, je ne veux pas. Ou bien j'ai vu un gâteau qui m'a plu. Je veux manger. Je ne savais pas qu'il y avait ce gâteau à la maison. Il est permis à la personne d'arrêter comme ça, sans quoi, d'arrêter son jeûne et de manger. Pourquoi? Parce que c'est une nafila. C'est une nafila. Je suis libre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais la nafila, tu es libre. Moi, je fais la nafila, et à midi, je change d'avis. Je vais devant la table, je vois ma femme ce qu'elle a posé, je vois mes enfants, je dis, moi, cette viande, je ne peux pas résister devant elle. Et je mange la viande. J'annule, pourquoi? Parce que la nafila. Ou bien j'ai envie de faire quelque chose avec ma femme. Ça m'est venu comme ça. Donc, ça, c'est la nafila. Mais quand quelqu'un, quand une sœur, ou là, par exemple, ou là, même un homme, il a un din qui n'a pas fait pendant le ramadan, ou là, une sœur qui a essayé de rattraper le din du ramadan, elle ne doit pas annuler. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit d'annuler. Elle boit quelque chose qui lui plaît, ou là, elle ne mange pas. Son mari la demande, elle n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose d'obligatoire. Maintenant, ce n'est plus la nafila. Voilà, c'est quelque chose de très important, il faut que vous le sachiez. Si jamais quelqu'un, par exemple, qui a mangé un jour du ramadan, maintenant, il a dit, demain, je vais jeûner le jour du ramadan que j'ai mangé, parce qu'il était malade. Maintenant, il a commencé à jeûner, ça c'est un dîme, c'est obligatoire. Ensuite, il se passe quelque chose, par exemple, et il va manger. Normalement, il ne mange pas. Mais il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi, il mange. Qu'est-ce que ça va se passer? Il a un ithm, il a des péchés, et il ne rattrapera qu'un jour. Il ne va pas rattraper la kuffara deux mois. Seulement un jour. Pourquoi? Parce qu'il a mangé quelque chose d'obligatoire. Il ne devait pas le faire, mais puisqu'il l'a fait, il a un péché, et il ne rattrape que le jour. Voilà. Maintenant, autre chose, il y avait une autre question. Salam alaikum wa rahmatullah shir. Une sœur de la famille qui veut divorcer son mari demande comment faire, min fadlikum. Une sœur qui veut divorcer de son mari demande comment faire. Premièrement, une femme ne divorce pas. C'est l'homme qui divorce. Une femme peut faire le khola. Le khola, c'est-à-dire elle lui rend la dot et il se sépare. Voilà ce qu'elle peut faire. Elle peut lui rendre la dot. Quand elle lui rend la dot, il est obligé d'accepter. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. S'il n'accepte pas, ils vont au tribunal musulman qui va la séparer. Elle lui rend la dot et il se sépare. Mais elle ne peut jamais divorcer. C'est seulement l'homme qui doit divorcer. Elle peut rendre la dot et faire le khula. Et comme ça, ils sont séparés. Une sœur me demande si elle peut donner vos dourous à des gens de confiance. Pour... Non, mais elle peut donner. Quand j'ai dit, si c'est pour les gens qui écoutent pour apprendre, etc., moi, je ne vais pas me priver du hajj. J'aimerais avoir du hajj. Je suis rentré avant-hier ou là dans une salle. Hier ou là avant-hier. Je suis rentré dans une salle, j'ai trouvé un frère ici qui avait fait mon dars. Mon dars passé, il l'avait fait. Je me suis dit, Allah barakallahu fi. Au lieu que les gens aillent dans d'autres salles, premièrement, ils profitent du dars. Et deuxièmement, celui qui n'a pas assisté, moi, il trouve le dars. Il dit, alhamdoulilah, j'ai trouvé le dars auquel j'ai pas assisté. Et même celui qui a assisté, quand il écoute la deuxième fois, c'est pas comme la première fois. Des fois, dans la deuxième fois, tu te corriges à toi-même, tu dis, subhanallah, heureusement, j'ai entendu, c'est pas comme ça que j'avais compris la première fois. Des fois, on comprend pas bien. C'est pour ça que quand on entend la deuxième fois, premièrement, la chose s'ancre dans le cœur, et deuxièmement, on se corrige. Et troisièmement, barakallahu fait ce heurt, pourquoi? Quand au moins les gens ne vont pas rentrer dans les salles d'autres salles. Moi, je vous dis la vérité, avant-hier ou là, hier, ou là, j'ai oublié. Je suis rentré comme ça, juste pour jeter un coup d'œil. J'ai vu une salle, je suis rentré à l'intérieur. Une salle, soi-disant d'islam. Islam. Ça m'a étonné ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça m'a étonné. Je ne savais pas qu'il y avait cela dans l'internet. Une salle. Tu te croirais qu'il y a la bagarre dans la salle. La bagarre. Il y a quelqu'un qui prend le micro et commence. Wallah, je vais faire ceci. Wallah, je vais faire cela. Wallah, ceci. Wallah, cela. Ensuite, l'autre, il vient. Wallah. Ensuite, il y a la femme, elle prend le micro. Vous ceci, vous cela, vous ceci. J'ai dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi ceux-là, ils sont rentrés dans l'habitat islam? Pourquoi ils ont passé dans l'autre? Rencontre, mariage. Ils rentrent dans ces trucs, ils créent une salle pareille. Je vois pas que ça n'a aucun rapport avec l'islam. La hawla wa la quwwata illa billah, l'alil adim. si les parents lui ont pris la dot. Ses parents, elles, ils n'ont pas le droit. Pardon, ils n'ont pas le droit de lui prendre la dot. Si ses parents lui ont pris la dot, lui, le mari, tu lui donnes la dot. On te l'a prise, on ne te l'a pas prise, tu vas demander de l'argent, ou là, tu vas emprunter de l'argent et tu lui rends la dot. Non, ils n'ont pas le droit de lui prendre. Maintenant, elle demande à ses parents de l'aider. Eux, ils vont lui rendre la dot, ou bien ils lui donnent de l'argent, ou bien ils lui prêtent de l'argent. Vous n'avez pas. L'essentiel, c'est que l'homme, le mari, il faut qu'il touche la dot. La dot qu'il a donnée, il faut qu'on la lui rende. Il faut qu'on la lui rende. Si on ne la lui rend pas, on ne peut pas. Maintenant, non, je ne sais pas ce que je voulais dire. Maintenant, il y a une sœur qui dit, j'ai une question à l'Ikhlas. Musulmane belle de pudeur. C'est un pseudo qui me plaît. Là. C'était pour demander, Inch'Allah, elle est vraiment yani, belle de pudeur, hein, Inch'Allah. C'était pour demander quels étaient les doigts que l'on peut faire en faveur des morts, surtout lorsqu'il s'agit de parents. Non, lorsqu'il s'agit de parents, vous savez que quand quelqu'un meurt, il y a seulement trois choses qui arrivent à ce mort. L'une des trois choses, c'est quand il laisse un fils ou une fille qui lui fait des doigts, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que tu peux faire des doigts en général. Tu dis, Allahumma, par exemple, je demande que Allahumma, irhamhu, yani, soit miséricordieux envers lui. Allahumma, adkhilhu jannatak. Allahumma, rentre-le au paradis. Ne le rentre pas en enfer. Yani, agrandis-lui sa tombe. Nouir-lo qabra. Fais de son famille miséricorde. Quand tu as des choses en ce sens. C'est comme ça que tu dis en général. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Tu demandes à ce qu'il lui ajoute les hasanat. Tu demandes à ce qu'il fasse rentrer au paradis. À ce qu'il fasse pas rentrer en enfer. Etc. C'est comme ça qu'on fait des doigts pour nos parents. Et les doigts arrivent. Les doigts arrivent à tes parents. Et tes parents, Inch'Allah ta'ala, seront très très yani, réjouis des doigts qu'on fait. Donc ceux qui ont des parents qui sont morts et qui ne font pas de doua pour leurs parents, ceux-là, ce sont vraiment des perdants. Des perdants. Ton père, miskin, l'ayahmou, il est mort, ta mère est morte, et tu ne leur fais pas de doua. Tes grands-parents sont morts, tu ne leur fais pas de doua. Donc, quel est l'amour tant que tu les aimes pas? Si tu les aimais, tu savais et tu sais que les doua arrivent, alors comment tu les prives de doua alors que eux, ils sont dans la tombe? Quand tu leur envoies un doua, c'est mieux que tu leur donnes des milliards, pas des millions. Tu leur donnes des milliards d'euros. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent moi aujourd'hui? Fais-moi un doua, c'est tout. Fais-moi un doua. Tu n'as pas besoin d'argent. L'argent, la montagne d'or ne va rien faire aujourd'hui. Khala, je suis dans la tombe. On a besoin de doua quand on est dans la tombe. Ensuite, j'aimerais savoir. Pardon, il y a une personne qui a un projet, il demande à beaucoup de personnes de lui verser leur zakat, elle-même. Est-ce qu'il a le droit de leur demander? En plus, c'est pas un pauvre. Il vit en France, il touche le RMI. Il y a quelqu'un qui touche le RMI, je ne sais pas c'est quoi. Et il y a une personne qui a un projet, donc cette personne qui touche le RMI demande à beaucoup de personnes de leur verser la zakat de l'argent. Est-ce qu'il a le droit? Et en plus de cela, ce n'est pas un pauvre. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Non. On ne donne pas l'argent de la zakat pour quelqu'un qui a des projets. Non. L'argent de la zakat, la zakat de l'argent, c'est pas nous qui choisissons à qui nous la donnons. Revenu minimum d'insertion. Non. L'argent de la zakat, c'est pas nous qui choisissons à qui nous la donnons. C'est l'Azul qui a choisi. Il a dit, ce sont huit sortes. On la donne à l'une des huit sortes. On ne la donne pas à qui? On ne la donne pas à qui nous on veut. Non. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, on lui a dit, il y a quelqu'un qui a une chaise roulante. Il est paralysé, il est assis sur une chaise roulante. Bon, cette personne, puisqu'elle est paralysée, et elle est pauvre, est-ce qu'on peut lui donner de l'argent pour un projet? Normalement, si c'était moi, moi je suis un ignorant, je vais lui dire oui. Celui-là, il n'a pas d'argent, il est pauvre. Donc, donnez-lui de l'argent pour qu'il ouvre, je ne sais pas quoi, un monoprix. Ou là, donnez-lui de l'argent. Il a dit, non, il est interdit, on ne lui donne pas. Il est pauvre, on lui donne pour le besoin. Tiens, pour manger, acheter des vêtements. Quand tu termines, Inch'Allah, cet argent, je te donne la deuxième fois, la troisième, jusqu'à ce que je donne toute ma zakat. Mais je ne te donne pas pour des projets. La même chose ici. Quelqu'un qui veut faire des projets, s'il est pauvre, pardon, il a dit il n'est pas pauvre, celui-là, on ne lui donne pas l'argent de la zakat. Mais, s'il avait fait quelque chose et il s'était endetté, il a fait un projet, khalas, il est rentré dans les projets, et il s'est endetté, celui-là, je lui donne à cause des dettes. Je lui donne à cause des dettes. Beaucoup ne savent pas une chose dans la zakat, je vous la dis maintenant en passant comme ça, dans la zakat, quand quelqu'un est endetté, même si c'est ton père, ou ta mère, ou ta femme, ou tes enfants, tu peux leur donner la zakat. Non. Moi, quand j'ai la zakat, et je veux la donner à quelqu'un d'endetté, je commence par mon père et ma mère, je vois s'ils sont endettés. Ensuite, ma femme, si elle a des dettes, mon enfant, je lui donne la zakat. Pourquoi je lui donne la zakat? À cause des dettes, mon fils. Mon fils, je lui donne la zakat, il s'est endetté. À cause des dettes, ce n'est pas à cause de quoi? À cause de que je ne dépense pas pour lui. Je vais dire, attends, je vais lui donner la zakat comme ça, je ne vais pas dépenser pour lui. Non. Il se peut que j'ai des enfants envers lesquels je ne dépense pas. Il habite seul. J'ai un enfant, il habite seul, il est marié. Il a des dettes, je commence par lui. C'est à lui, je donne au plus proche la zakat. Je ne commence pas par les loin. Je commence par les plus proches. Tu as deux ajr. Un ajr pour la zakat, un ajr pour avoir fait des liaisons avec ta famille proche. À condition qu'il soit des huit sortes. Là, mon fils qui est marié, il est rentré dans les huit sortes. Quelle sorte? C'est un endetté. Je lui ai donné à cause de la dette. Je ne suis pas donné parce que c'est mon fils, je suis du piston. Non, à cause de la dette. Voilà pour cette réponse, Inch'Allah Ta'ala. Je crois qu'il reste une question, elle est là. J'aimerais savoir si la sous-location d'un appartement est permise, sachant que la loi l'interdit. Par sous-location, il s'agit de louer l'appartement, habiter à l'intérieur, payer le loyer, etc., sans que cela soit en notre nom, mais au nom de la personne qui n'est pas présente. Franchement, je ne connais pas la réponse, Akhi Karim, je ne sais pas la réponse à cette question. Je peux te dire seulement qu'en islam, quand quelqu'un te loue un appartement, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Fais saut. Elle fait saut, barakallahu fikoum. Non. Donc, j'ai été déconnecté sans que je le sache. C'est pour ça que j'ai dit à Meymouna 33, je lui ai dit, parle. L'année, pose ta question, elle n'a pas posé, j'ai dit pourquoi elle a tardé. Ensuite, j'ai remarqué que j'étais déconnecté. Où est-ce que je me suis arrêté? Bah, là, on fait comme les questions. Je ne sais pas, je me suis arrêté. Parce que moi, j'ai terminé, j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que j'ai répondu à la dernière, quelle est la dernière question? Je me suis arrêté. La dernière question, je me suis arrêté. Je parlais de quoi? Pas zakat, hein? Non, mais il y a une personne. J'avais dit qu'il y avait une personne qui disait que est-ce qu'on peut donner la zakat à quelqu'un qui faisait un projet. Est-ce que vous avez entendu la réponse? Est-ce que j'ai terminé la réponse avec la sous-location? Non. Donc, non. Il reste une chose. En ce qui concerne le vinaigre, c'est revenu en l'appartement à louer, vous étiez là. Non, l'appartement à louer, j'ai dit qu'en islam, quand quelqu'un nous loue quelque chose, on peut la louer, sans la permission du premier. Le fait de la louer, tu peux la louer aussi. Maintenant, quand c'est interdit par la loi, il faut que je cherche. J'ai dit que, en ce qui concerne le vinaigre, il y a un R ici, Abou Bilal, qui m'a envoyé un lien spécialement qui parle du vinaigre. Ce lien m'a beaucoup plu, au point que moi personnellement, je ne savais pas que le vinaigre, qu'il venait du vin. Moi je croyais qu'on le fabriquait, il n'y a pas autre chose, mais j'ai jamais su que c'était du vin qu'allait se transformer. J'avais beaucoup lu chez Cheikh Islam Timia dans le Mujmu al-Fatawa qui disait que le vin, s'il devenait tout seul vinaigre, tout seul par Allah subhanahu wa ta'ala, il est permis, mais si ce sont les gens qui le transforment, il n'est pas permis. Il n'est pas permis. Donc maintenant, je comprends que ce qu'on achète, nous, dans les magasins, etc., si tu dis à base de vin ou à base d'alcool, ça veut dire qu'il était déjà vin, ensuite ils l'ont fait transformer, ils l'ont rendu vinaigre. Si c'est comme ça, il devient haram. Si c'est comme ça, il devient haram. Parce que c'était du vin et on l'a transformé, il est devenu quoi? Il est devenu vinaigre. J'ai dit, s'il se transforme lui-même, si quelqu'un a du vin dans la maison, puis un jour, après un mois, deux mois, je ne sais pas combien, il a trouvé qu'il s'est transformé en vinaigre. Celui-là, il est halal. Mais c'est quand la personne elle-même le transforme et elle ajoute des choses, etc., pour qu'il devienne vinaigre, celui-là, il devient haram. C'est pour ça que moi, je donne un conseil à moi-même et à mes frères et mes sœurs. Si tu veux sortir des problèmes, achète le vinaigre à base de citron. D'ailleurs, même quand tu vois la bouteille, elle est blanche, elle est transparente. Ni rouge, ni rien. Elle est transparente, c'est écrit vinaigre à base de citron. Peut-être le premier jour tu vas pas l'aimer, etc. Mais à force d'habituer, ça deviendra très bien. Ensuite, tu es sorti des problèmes. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est halal? Wallahu ta'ala alam. Maimouna 33, tafaddali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Je suis obligé d'envoyer mes enfants à la piscine où ils seront mélangés. Est-ce que je peux demander à un médecin de leur faire un faux certificat médical pour ne pas les y envoyer? Naam, si les enfants sont à bas âge, par exemple 4, 5 ans, 6 ans, même s'ils sont mélangés, ce n'est pas grave. Mais si c'est un peu plus, à partir de 7, 8, 9, 10 ans, il ne faut pas qu'ils soient mélangés. Est-ce que je peux demander à un médecin de leur faire un faux certificat médical pour ne pas les envoyer? Il faudrait que je cherche, ma sœur, il faudrait que je cherche. Inch'Allah ta'ala, je te rendrai la réponse. Il faudrait que je cherche. Non, il faudrait que je cherche. Je ne connais pas la réponse. Inch'Allah ta'ala, je chercherai. Je vais l'écrire maintenant. Est-ce que, non, Inch'Allah ta'ala, je te rendrai la réponse. Omar Abdallah, est-ce que tu as des questions? Pose une question si tu en as. Je vais écrire ici, à la piscine. Est-il permis à la femme musulmane de porter des chaussures à talons en présence des autres femmes ou du mari? Y a-t-il une différence entre les hauts talons et les petits? En principe, elle porte, si elle met des talons, il faut qu'ils soient moyens. C'est-à-dire que la femme musulmane, quand elle marche, elle ne doit pas attirer les hommes. C'est en ce sens que quand elle marche avec des talons, elle attire les hommes. Pourquoi? Car avec les talons, elle est obligée de faire un certain bruit, le bruit des talons. Quand une femme marche avec des chaussures où il n'y a pas de talons, on peut pas s'apercevoir. Elle passe devant nous, on ne s'aperçoit pas. Et quand elle a des talons, surtout maintenant il y a des talons à la mode, etc., c'est une grande mousseba, de loin tu entends la femme venir, tac, tac, tac, tac, tac. Surtout si elle est dans un hall ou là, tu l'entends de loin. C'est en ce sens que les talons ne sont pas permis. Pourquoi? Parce que quand elle marche, elle fait un certain bruit qui attire les hommes. C'est pour ça, ce n'est pas le talon lui-même qui est interdit, mais parce qu'elle attire les hommes. C'est pour ça qu'elle choisit des chaussures, ou bien il n'y a pas de talon, ou bien juste un peu, qui ne soit pas, par exemple, le talon aigu. Soit un talon assez large. Un talon qui ne fait pas de bruit, Inch'Allah ta'ala. Abu Tassah, tafaddal. Un frère veut partir étudier avec sa femme dans un an. Pour le moment, sa femme veut un enfant et lui préfère attendre sa femme. Préfère attendre. Sa femme lui a dit, si tu ne me fais pas un enfant, je préfère que l'on se sépare, sachant que ça se fait presque 2 ans qu'ils sont mariés. Que doit-il faire? Un frère veut partir étudier avec sa femme. Mettez les points, barakallahu fikoum, les points dans les phrases. Pour le moment, sa femme veut un enfant et lui préfère attendre sa femme. Il préfère attendre, point. Sa femme lui a dit, si tu ne fais pas un enfant, je préfère que l'on se sépare. Sachant que ça fait presque 2 ans qu'ils sont mariés, que doit-il faire? En principe, yani faire des enfants, c'est quelque chose demandé par la religion. C'est quelque chose demandé par la religion. Maintenant, il y a des femmes qui ne veulent pas. Maintenant, toi, tu as l'avantage que ta femme veut. Il y a des femmes qui ne veulent pas beaucoup d'enfants. Maintenant, toi, tu as l'avantage que ta femme veut un enfant. Tawakkal à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas peur. Ne dis pas que j'ai pas d'argent pour le nourrir, etc. C'est pas toi qui vas le nourrir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce n'est pas sûr que tu vas avoir l'enfant. Ce n'est pas sûr. Tu dis fais un enfant. C'est pas toi qui fais les enfants. C'est pas sûr que tu vas avoir un enfant. Et toi, prends avec les causes et mets dans ton cœur que tu veux un enfant, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Takafaru, a dit, yani, faites beaucoup d'enfants, etc. Fais en ce sens, Inch'Allah ta'ala, il n'est pas peur de l'avenir, et il ne pense pas à demain, Inch'Allah ta'ala, de toute façon, même si c'est une cause pour que l'union avec ta femme soit beaucoup plus solide, parce qu'elle demande cela, donc fais-le, Inch'Allah ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de lui un enfant salih, un enfant salih, insha'Allah ta'ala. Suleyman 4, tafadhali. Zanjabila, prépare ta question. Salam alaikum. Parfois l'homme garde ses enfants pendant que sa femme va au médecin ou faire une course ou rendre visite à une soeur ou aller à un mariage. Et donc parfois l'homme rate la prière en commun à la mosquée. Est-ce que l'on est autorisé à faire sa prière à la maison pour cette raison? Parce que cela est interdit. Non, quand il a des enfants, par exemple, à bas âge, il peut ne pas aller à la mosquée. Pourquoi? Parce que premièrement, il l'a fait pour raison. Il l'a fait pour raison valable. Il ne peut pas prendre des enfants comme ça, très bas âge, et aller avec eux à la mosquée parce ils vont pleurer, ils vont faire beaucoup de mashakil. Et surtout les imams. L'imam, peut-être qu'il ne connaît pas la sunna, il ne sait même pas que l'enfant, à bas âge, peut rentrer à la mosquée, peut-être. Donc, si c'est à cause de cela, il peut, Inch'Allah ta'ala, la faire à la maison, puisque c'est une fois seulement par occasion, etc. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Et si sa femme revient vite, il peut l'attendre et faire la prière avec elle. Inch'Allah ta'ala. Zanjabila, tafadhali. Un musulman peut-il acheter et vendre des maisons en sachant qu'il aura des clients mécréants qui achèteront ces maisons avec des intérêts? La personne demande si c'est permis car il va, à cause de ça, provoquer des prêts, intérêts chez ces mécréants. Moi, quand je veux vendre ma maison, le mécréant, ce qu'il va faire, ça ne m'intéresse pas. Moi, l'essentiel, c'est qu'il ne me dise pas. Qui ne viennent pas me dire, voilà, attends, à cause de toi, je vais faire les intérêts et je vais emprunter de l'argent. Moi, je ne cherche pas ces choses-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vendait et achetait des kuffars. Et le kuffar, leur argent, c'est l'argent du vin, c'est l'argent du vol, c'est l'argent de je ne sais pas où ils l'ont eu. Ils ont vendu des statues, ils ont ramené de l'argent. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, Akkaluna li suht, il parle des Yahouds. Il mange la rachoua, etc. Donc moi, je ne cherche pas à savoir d'où il a ramené l'argent. L'essentiel, c'est qu'il me donne de l'argent, je vends ma maison, et il ne me dit pas, attends, je vais faire des intérêts, ou là, je vais voler, ou là, je vais te ramener l'argent. Il ne me dit pas cela. Moi, il me donne l'argent, je lui donne ma maison, c'est tout. Maintenant, il est interdit à vendre à un mécréant, si on sait qu'il va... De cette maison, il va faire par exemple une église. Où là, il va faire d'elle quelque chose, un lieu pour le culte. Le culte, on ne va pas adorer de là, on va faire le shirk. Dans ce sens, il m'est interdit de lui vendre. Mais si je ne connais pas la raison, je lui vends normalement, Inch'Allah ta'ala. Abu Ahmed, tafadhal. Wallahu ta'ala a'lam. Jusqu'à présent, il n'y a aucune question qui a rapport avec le Coran. Fadl Abou Ahmed. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Il y a un frère qui a propagé des photos de sœurs sur Internet. Il avait soit eu ces photos par les sœurs elles-mêmes, ou alors il leur a volé en piratant leur ordinateur. Pouvez-vous renoncer à ces frères et sœurs qui échangent des photos, qui parlent en privé, ou renoncer aux sœurs qui parlent au micro en public? Non, moi j'ai dit une fois, et je le redis, que il faudrait que tu saches, mon frère et ma sœur, même mon frère, il faudrait que tu saches que maintenant, il y a des logiciels, etc., spéciaux. Toi, tu es en train de dormir à la maison, ou là, tu es en train, dans la cuisine, d'éplucher les pommes de terre, et lui, il rentre dans ton micro, et il voit tout ce que tu as comme photo, et il prend ce qu'il veut, il laisse ce qu'il veut, et il prend tout ce que tu as écrit, etc. Donc, il est très, très dangereux pour quelqu'un, surtout une femme, de laisser sur micro ses photos, ou là, les photos de sa famille, ou là, les photos de son mari, ou là, sa photo à elle, ou là, parce qu'on va te la prendre du micro, on va te la pirater, on va te la prendre, et on va quoi? On va enlever seulement la tête de la photo, et on va la coller, une femme nue, avec un homme, on va la coller, et on va la propager dans Internet, et voilà, la sœur, avec le nom en bas, la sœur X, regardez la sœur X, qui dit qu'elle a le hijab, la pratiquante, regardez ce qu'elle fait avec les hommes, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Donc c'est très dangereux de laisser des photos sur ordinateur, très très dangereux. Et c'est très dangereux pour ceux et celles qui veulent se marier de se passer des photos entre eux. Très dangereux. Tu lui donnes ta photo, il va la voir, il va te la rendre. Quelle est la preuve qu'il ne va pas faire une photocopie de la photo? Quelle est la preuve que celui-là c'est un pratiquant? Seulement il s'appelle Abu Ali, Abu Omar. D'où je sais que c'est un pratiquant celui-là. Il va faire la photocopie, il va me rendre ma photo. S'il me la rend, il va faire 100 photocopies. Et il va les envoyer, il va faire je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est interdit d'envoyer une photo à quelqu'un. Si je veux, Annie, je peux donner à la sœur de la femme, la sœur du frère, qui est une pratiquante, et je sais que c'est vraiment une pratiquante, elle me montre à son frère. Elle montre seulement ma photo, elle me la rend, et encore, je n'ai pas confiance, peut-être qu'elle va me faire du trafic, etc. Car, comme il peut me voir comme ça dans la rue, il peut me voir sa photo, ma photo. Mais qui prouve que ma photo ne va pas être copiée, etc. Maintenant, si je pouvais, mon frère pouvait lui montrer ma photo, par exemple. Mon frère, je lui fais confiance. Je lui donne ma photo, il la lui montre. Il dit, voilà ma soeur, si tu veux te marier avec elle. Mais c'est pas, je donne aux gens des photos, et il est aussi interdit de parler avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont de mariage, etc., dans l'Internet et dans le MSN. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Comment es-tu habillé? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Etc. Tout ça, c'est interdit. Il faut que vous le sachiez. Tout ça, c'est interdit. Et la plupart qui se marient comme ça ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que la base n'était pas solide. La base, quand ils ont commencé, ils n'ont pas commencé par la piété. Ils n'ont pas commencé par Bismillah et par la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commencé avec le shaitan. Donc, la plupart du temps, Allah Azza wa Jal ne les fait pas gagner. Et ils se trouvent divorcés très vite. Ou bien, ils se trouvent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui marie. Celle-là, elle veut elle-même se marier et elle n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas commencé avec le halal. Elle n'a pas commencé avec le halal. Palestinien 8, tafadla barakallahu fik. Palestinien 8 a dit, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une personne musulmane se contente de faire les piliers de l'islam, les cinq piliers seulement, rentrera-t-elle au paradis? Barakallahu fikum, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un hadith qui dit que quelqu'un est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je fais seulement les cinq piliers. Le prophète alayhi wa sallam a répondu, naam, yani aflaha, kad aflaha in sadaq, yani celui-là, inshallah ta'ala, ça veut dire qu'il ira au paradis, si vraiment, yani, il est sincère. Maintenant, vous savez que, quand quelqu'un fait les cinq piliers, il dit, shahadu la ilaha, zakat, salat, etc., à condition que, il n'y ait pas d'autre, il n'y ait pas d'autres choses obligatoires et il ne les fait pas. À condition qu'il n'y ait pas de choses obligatoires, il ne les fait pas. Pourquoi ? On peut faire les cinq piliers. Ensuite, par exemple, je peux emprunter de l'argent à quelqu'un. Hein, il m'a prêté de l'argent. Ensuite, n'est-il pas obligatoire que je lui rende son argent ? Donc maintenant, si je ne lui rends pas son argent, c'est maintenant je suis rentré dans un problème. Donc il faut, après les cinq piliers, il faut qu'il fasse les choses qui sont devenues obligatoires après les cinq piliers. Il y a des choses qui sont devenues obligatoires. Celui-là, il doit les faire. Mais quand il fait les cinq piliers, il fait les cinq piliers, ça veut dire que, alhamdoulilah, yani, quand il mourra, inshallah ta'ala, il va rentrer au paradis. Mais est-ce que il va rentrer directement ou bien il va passer d'abord par l'enfer? Ça, c'est d'après les choses, yani, qu'il a faites hormis les cinq piliers. Yani, les choses, le haram, s'il a fait du haram, ou bien il n'a pas fait des choses obligatoires, ça, c'est autre chose. Mais inshallah, quand il fait les cinq piliers, yani, il a, que Allah Azza wa Jalla va le faire rentrer au paradis, même si c'est après l'enfer. Même si c'est après l'enfer. Ensuite, il a réussi. Qui est-ce qui a réussi? J'ai pas compris. Est-ce qu'il a réussi? Ilyas Zakaria. Assalamu alaikum. On n'a pas le droit de critiquer le gouvernement public. Est-ce qu'on a le droit de le critiquer en intimité avec une personne? Barakallahu fi. Quand on n'a pas le droit de le critiquer en public, pourquoi? Pour que je ne mette pas dans le cœur des gens, je ne vais pas leur mettre la haine du gouverneur. Parce que s'ils vont l'haïr, ensuite ils vont détester, ils vont l'haïr, ensuite ils veulent lui faire la guerre. Ils ne vont pas lui obéir. C'est pour ça que quand tu parles en intimité avec quelqu'un, ça veut dire à cette personne aussi, tu vas lui mettre dans son cœur qu'il doit haïr le gouverneur. Car quand tu as parlé avec une personne, ou tu as parlé avec 10, les 10 personnes, tu vas leur mettre dans leur cœur, maintenant tu vas mettre à une personne au lieu de 10. Donc, c'est moins grave, mais ça rentre toujours dans la chose qui n'est pas licite. Ça rentre toujours dans la chose qui n'est pas licite. Il vaut mieux se taire et ne pas en parler de ces choses. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Abu Abd Zahir, tafadhal. Abu Shayma 40, tafadhal. Non, je comprends pas. Il n'y a ni Abu Abd Zahir ni Abu Shayma. Abu Abdallah 2, tafadhal. Attends, je me suis dit, peut-être je ne suis pas connecté. Le chef explique salat. Le chef explique salat à l'Annabi par salat. Allez. Une question à Abu Abdallah. Pardon, une seconde. Le chef explique salat à l'Annabi par salat. Allah. على رسولي ثناء عليه في الملأ الأعلى. بارك الله فيكم. نعم. الله عز وجل va vanter le prophète صلى الله عليه وسلم devant les anges. يثني عليه. Va le vanter, va vanter ses mérites. Va dire celui-là c'est un prophète, celui-là je l'aime, celui-là devant les anges. Ça, ça veut dire Sana'ullahi alayhi fil mala'il a'la. Le mala'il a'la, c'est devant les anges. Yuthni alayh. Yaqul, c'est ceci, c'est cela. Yani, il le vante. Il vante ses mérites. Abu Abdullah. Hal qawl, laysa Allah fawq, wa la tahtu, la shima, wa la amam, wa la khalf, wa la dakhil khalq, wa la kharij. Hal hada qawl, qawl bi wahdat al-wujud. Est-ce que Cheikh Al-Albani a dit que c'est wahdat al-wujud? Salam alaikum, j'ai trois courtes questions, désolé, elles ne passent pas. Je n'ai pas lu que Cheikh Al-Albani a dit cela. Quand je dis je n'ai pas lu, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas dit. Peut-être qu'il l'a dit, mais je ne me rappelle pas. Est-ce que vraiment il a dit que c'est Wahdat al-Wujud? Mais ceux qui disent cela, ce sont les Jahmites, ce sont les Jahmiya, et ce sont aussi les Asha'ira. Ce sont aussi Al-Asha'ira. Et avec eux, c'est Najariya aussi. Non. Donc, ils disent quoi? Ils disent ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. ils ne savent plus où il est. Ils savent plus où il est. Ça, ce sont les Jahmiya qui disent ceci, et aussi l'Asha'ira. Et aussi l'Asha'ira. Est-ce qu'on dit que c'est Wahdat al-Wujud? Wahdat al-Wujud, c'est quand tu dis que tout cela, c'est Allah. Tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, tout ce qu'il y a autour de toi, c'est Allah. Allah n'est pas séparé au monde. C'est ça, Wahdat al-Wujud. Quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas séparé au monde. Mais cela, les Jahmites, ils disent, on ne connaît pas qu'il a une place, qu'il est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Je ne crois pas que ça soit Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud, c'est le contraire. Tu dis tout cela, c'est Allah. Wahdat al-Wujud, tu dis le contraire. Tout cela, c'est Allah. Tout ce que tu vois devant toi, c'est Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Abu Abdahir. Abu Abdahir, tafadlal. Tu n'as pas encore posé de questions. Tafadlal. Fouluriya, naam. Tafadlal, j'attends ta question. Salam alaikum. Jema, qu'est-ce qu'il a dit ici? Bon. Barakallahu fikoum, essayez de mettre les points. Barakallahu fikoum, les points. S'il n'y a pas les virgules, au moins les points. Assalamu alaikum. J'ai ma femme au Ramadan prochain, Inch'Allah, elle sera au 7e mois de grossesse environ. Est-ce qu'elle doit jeûner ou pas? Comment expliqueriez-vous le verset? Wa nadartu laka ma fi batni. Et c'est quoi l'argument que fait qui fait que nadr est interdit? Assalamu alaikum. Est-il autorisé de faire la salat seule à la maison sachant que je suis avec ma femme? Me conseillez-vous d'écouter le tafsir de Cheikh Mohammed? Je ne connais pas, et c'est le seul tafsir audio que j'ai trouvé. Bon, deux ou trois questions à la fois. Je commence par Abou Shaima qui a dit, ma femme au Ramadan sera au 7e mois. Est-ce qu'elle doit jeûner ou pas? En principe, une femme, quand elle est enceinte, elle jeûne. En principe, elle ne jeûne pas seulement dans l'un des deux cas. Quand elle sait qu'elle a mal, quand elle jeûne, elle faiblit, etc., elle a des maux de tête, etc., elle ne peut pas, ou bien qu'elle sait que son bébé, elle va lui faire mal. Quand elle sait l'une des deux choses, ou bien à cause d'elle, ou bien à cause du bébé. Pour ces deux-là, ou bien à cause des deux. Dans ces conditions, elle peut manger. Et dans ces conditions, si elle mange, c'est pas la peine de rattraper après. Elle donne à manger à un pauvre pour chaque jour qu'elle a mangé. Donc, elle seule sait, et Allah Ta'ala sait, si elle a mal, ou le bébé a mal, ou il n'a pas mal. Ça, c'est elle qui doit le savoir. Quelqu'un comme ça, moi, je ne peux pas lui répondre. C'est elle qui saura si elle a mal, ou si le bébé a mal. Là, la première question. Qu'est-ce que ça veut dire « وَنَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي » Naam. Ça, c'est la femme, pardon, c'est sa mère, c'est la mère qui avait fait un « nadr » qu'elle ferait de l'enfant qui va venir, elle le laisserait seulement travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, seulement pour les ibadats, seulement pour les adorations, etc. C'est pour ça que Maryam ne sortait pas beaucoup de filles, ne sortait pas beaucoup de la mosquée. Il est tout le temps dans la mosquée, etc. Parce que sa mère avait fait le nadr que ce bébé sera spécialement yani, pour l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le délit qui dit que le nadr est interdit? Je n'ai jamais dit que le nadr est interdit. J'ai dit que le nadr se divisait en deux groupes. Naam. Il y a une sorte qui est makruh, qui n'est pas bien. Et qu'il y a une sorte que Allah Azza wa Jal aime. Le nadr que Allah Azza wa Jal aime, c'est le nadr que tu fais sans demander de contrepartie. Moi, je suis assis maintenant devant le micro. Je dis, je fais un nadr que je vais faire le jeûne toute la semaine prochaine. Celui-là, si je vais jeûner la semaine, Allah Azza wa Jal va se réjouir. Car, comme il a dit dans le Coran, Yufuna bin nadr, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien. Mais le nadr qui n'est pas bien et que Allah Azza wa Jal n'aime pas, c'est le nadr que tu fais en contrepartie. Tu dis, Ya Allah, si tu me guéris mon fils, je vais faire je vais donner de l'argent aux pauvres. Ya Allah, si tu me guéris de ma maladie, je vais jeûner une semaine. Hada nazr, l'azad ne l'aime pas, parce qu'il a demandé en contrepartie. Ça veut dire, si tu me guéris pas, je fais pas. Si tu me guéris pas mon fils, je donne pas de l'argent, etc. Ensuite, est-il autorisé de faire la salat seul à la maison tout en sachant que je suis avec ma femme? En principe, un homme, s'il est près de la mosquée, de façon à ce qu'il peut entendre l'appel et il ne va pas à la mosquée, sa prière n'est pas acceptée. Si un homme entend la prière, l'appel à la prière, sans microphone, il entend l'appel à la prière, il ne va pas à la mosquée, sa prière n'est pas acceptée. Maintenant, s'il a une cause pour ne pas y aller, la mosquée est loin ou bien il est malade, etc., il fait la prière avec sa femme. Il guide sa femme dans la salat. Me conseillez-vous d'écouter le tafsir de Cheikh Mohamed Ismail Al-Muqaddam? Cheikh Mohamed Ismail Al-Muqaddam, je ne le connais pas. La première fois que j'entends parler de lui, je ne le connais pas. M'autorisez-vous à vous appeler sur votre numéro de téléphone quand il y a dans votre site qu'il y a dans votre site, si oui, à quelle heure puis-je le... Naam. Tu peux le faire, Inch'Allah, après Salat al-Asr. Après Salat al-Asr. C'est-à-dire ici, Salat al-Asr, c'est 3h30. Si tu es en France, ça veut dire 1h30. 1h30 de l'après-midi. Non, pardon, 2h30. À 14h30, c'est ici, l'année, l'Asr. Disons à 15h. 15h en France. Naam. Disons à 15h en France. Mais si tu le trouves occupé, ça veut dire que je suis dans l'Internet. Si tu le trouves occupé, je suis dans l'Internet. Maintenant, Inch'Allah, c'est à qui le tour? On a terminé, hein? C'est à qui le tour? Non, Kika Barakallah. Abou Shaima, est-ce qu'il a posé sa question à Abou Shaima? Je ne sais pas si Abou Shaima a posé la question ou il n'a pas posé. Abou Shaima, non. Abou Mariam, t'as pas de mal. J'ai des questions des sœurs. Naam, pose une question, ta fadlari, Omar Abdallah, pose une question. Wa alaykoum salam, comment je peux faire pour rattraper mes jours de jeûne de l'année dernière, sachant que je suis enceinte de 8 mois et que j'ai eu une grossesse difficile qui ne m'a pas permis de les rattraper depuis cela, si j'accouche, je serai en période de l'eau jusqu'au ramadan. Tu précises au chef qu'avant que je tombe enceinte, j'avais un traitement médical qui ne me permettait pas de rattraper tout de suite. Naam. Toi, ma soeur, tu es, Inch'Allah ta'ala, mazad. Donc, je suis dans une impasse, de toute façon, j'ai entendu tout à l'heure le fait que rattraper les jeûnes. Naam. Toi, ma soeur, tu es pardonné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rattrapé tes jours à cause de, yani, tu avais des causes. Tu avais des causes valables. Nous, on parle de celle, la femme, qui ne rattrape pas ses jours sans raison. Elle laisse jusqu'à l'autre ramadan, celle-là, elle va les rattraper avec des péchés. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de raison, elle les a laissés. Mais quelqu'un qui a les raisons, elle était malade, elle ne pouvait pas aller maintenant, etc. Dès qu'elle se trouve bien, elle se trouve dans la possibilité de rattraper, elle rattrape. Même si c'est après l'autre ramadan. Même si c'est, il y a un autre ramadan qui rentre. Pourquoi? Parce que celle-là, elle avait des raisons. Nous, on parle de celle qui n'a pas de raison. Inch'Allah ta'ala. Naam. Abou Mariam, tafadal, j'attends ta question. Naam, jazakallahu khair. C'est quel nom ici? Je vois le nom. Ahmadou, il est avec nous. Attends, on va voir Ahmadou. Il est quel nom ici? Wasmak, Abou Anas, on a vu le point rouge. Barakallahu khair, on a vu le point rouge. Assalamu alaikum. Je connais quelqu'un qui n'a pas de contact avec ses cousins, même sa tante, car ils sont très méchants. Ils lui font du mal. J'ai essayé de lui expliquer. Salatul Rahim, il a dit Salatul Rahim, fait un tafsir. Si je les rencontre, je leur dis Salam alaikum. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de l'Allah. Quel est votre conseil? Barakallahu fikum. Naam, si me khouss Salatul Rahim, premièrement Salatul Rahim, ce n'est pas toute la famille. Hein? Ce n'est pas toute la famille, ceux qui sont loin, etc. Salatul Rahim, c'est surtout ceux qui, quand je meurs, ils vont mériter ou là je vais l'hériter. Bon, comme a dit le Cheikh Ibn Rahim, Armatullah, ou me l'ouarata. يعني إذا مت يرثونك وإذا مات هو ورثته. Mais les cousins qui sont loin, etc. C'est aussi demandé de ne pas couper avec eux. Même si on leur téléphone au moins une fois par 6 mois, une fois par an, l'essentiel, ne pas couper avec eux. Maintenant, si c'est, comme il a dit, des gens qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., cela, c'est pas la peine de faire beaucoup de liaisons avec eux. Déjà, eux, ils n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est que je ne coupe pas. Si je les rencontre, salam, si je leur téléphone une fois pendant l'Aïd ou là, mais c'est pas la peine d'avoir des relations très étroites avec eux. Mais l'essentiel, ce n'est pas de couper, incha'Allah ta'ala. Abu Maryam, est-ce qu'il a posé des questions? Alaykoum salam wa rahmatullah, Ahmed. Ma'aman rak, Ahmed. Abu Maryam, est-ce que tu as posé ta question? Je ne sais pas. Oui. Naam. Est-ce qu'il y a... Bon, Amin. Amin, l'Amin, tafaddal. L'Amin. Je t'ai enlevé le point rouge, tafaddal. Alaykoum salam, mon frère, mon père est diabétique. Et son diabète n'est pas assez grave. Pas besoin d'insuline. Il y a quelques années qu'il ne fait pas le ramadan. Est-ce qu'il a la priorité? Est-ce que la priorité, c'est qu'il le fait, sachant Allah anam, qu'il peut le faire physiquement ou ne pas le faire, étant diabétique et faire manger des pauvres, barakallahu fikum. Naam. Fimé Amin. En ce qui concerne ton père, quand il est diabétique, ce qu'on appelle mort de sucre, quand il est diabétique, ça revient à lui. Yandorfi nefsi. S'il peut faire, il doit le faire. Il a qu'un ami manifestataire, le Bouddha n'y va. Il a qu'un la yakdir, celui-là, il fait manger les pauvres. Donc ça revient à lui. Si lui, il peut. C'est lui qui sait. Même le médecin ne sait pas. Huwa yuqaddir dhalik. Hatta tabib qad yakhfa alayhi hadha al-amr. Si lui, il essaye. S'il peut, il doit faire. Mais si, lorsqu'il essaye, il a mal à la tête, il faiblit, il commence, il veut vomir, il tombe, etc. Celui-là, c'est pas la peine de faire. Et seulement, il donne à manger. Seulement, il donne à manger aux pauvres. Donc, lui, il essaye une fois ou là, il voit. S'il voit que c'est difficile, il peut pas, c'est pas la peine de se tuer. Dès qu'il voit qu'il a mal, ou là, il tremble, ou là, il veut vomir, ou là, il veut tomber par terre, ou là, khalas. C'est pas la peine de continuer. Et, Inch'Allah ta'ala, il donne à manger aux pauvres, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, on a le temps, nous avons le dernier, Inch'Allah ta'ala, Fiqh 2006, tafaddal. S'il y a une question d'une sœur ou la poser là, c'est la dernière, Inch'Allah ta'ala. Tafaddal, Fiqh 2006. Ahmed, men rahoum ma'ak, Zakaria ou la Twiza ou la men. Assalamu alaikum. Bon. Ma sœur vit dans une ville où il n'y a pas de boucherie halal. Elle n'a pas de voiture, elle ne peut pas se déplacer à cause d'un problème de santé. Elle a des enfants. A-t-elle le droit d'acheter de la viande près de chez elle qui n'est pas halal? Si c'est non, alors quelle solution? Merci. Naam. Si elle sait que la viande qui est devant elle, pas très loin, elle est haram, elle ne peut pas l'acheter. Naam. Ma'al-ilm, elle sait que cette viande est haram, elle ne peut pas l'acheter. Même si elle ne mange pas la viande des années. Même si ses enfants ne mangent pas la viande, elle ne doit pas l'acheter, c'est haram. Comment va-t-elle se permettre de leur faire manger quelque chose de haram? Pourquoi? Elle va leur faire manger du poison. Elle va leur faire manger de l'enfer dans leur ventre. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle achète ce qu'on appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, comme un frigo, où on peut mettre, et elle va une fois par mois où c'est loin, et elle achète beaucoup de viande, et elle la cache dans cette chose qui est un congélateur, naam, et à chaque fois, elle fait un congélateur, naam, à chaque fois, elle fait sortir un peu de viande, et elle va dans la ville loin, elle va seulement une fois par mois ou là une fois par deux mois, et elle achète un congélateur, elle met à l'intérieur, à chaque fois, elle fait sortir un peu. Mais c'est interdit de savoir que c'est haram, et d'acheter du haram, et surtout de le donner aux enfants, car toute viande qui va être créée du haram, elle doit rentrer en enfer. Toute viande qui va pousser du haram, cette viande doit passer d'abord par l'enfer, si c'est musulman, avant de rentrer dans le paradis. Donc c'est quelque chose de grave, je préfère patienter, ne pas manger de viande, manger la shorba, manger le couscous, et je ne mange pas de viande, mais l'essentiel c'est que Allah Azza wa Jalla est réjoui de moi. Réjoui de moi, mais je me prive de la viande, je la mange seulement une fois tous les 6 mois, mais l'essentiel c'est que Allah Azza wa Jalla est réjoui de moi. C'est plus important que la viande, Inch'Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Maintenant, je crois que j'arrête. Il est déjà 1h20. J'ai déjà dépassé de 20 minutes. Ce qui indique. J'ai envoyé un email concernant une femme. Vous pouvez donner une condition à faire pour nous. Naam, j'ai répondu. Faire 2006, j'ai répondu. J'ai donné les dalils. J'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Je t'ai même envoyé à toi une lettre, je t'ai dit réponds ce soir dans la salle, Inch'Allah Ta'ala. Je te répondrai parce que tu n'étais pas présent. Elle peut mettre cette condition. Elle peut mettre la condition dans l'acte de mariage que elle se marie avec lui à condition qu'il ne se marie pas. Maintenant, s'il se marie lui en cachette, sa femme est divorcée. Elle peut mettre cette condition et le frère aussi peut mettre cette condition. Quand il va se marier, il dit, je me marie avec toi à condition que si je me marie avec la deuxième, troisième, quatrième, tu ne me dis pas pourquoi. Naam. Il peut mettre lui aussi cette condition, Inch'Allah Ta'ala. Attawakaf huna, Inch'Allah Ta'ala. Pour ceux qui, auxquels je n'ai pas répondu, il est tard. Ils m'envoient, Inch'Allah Ta'ala, dans ma boîte, yani le courrier, Inch'Allah Ta'ala, je leur répondrai personnellement, ou bien je répondrai comme ça dans la salle. Subhanak lahumu wa bihamdik. Je ne sais pas si tu es là, mais je te remercie et je te remercie.